Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Plus les jours passent, plus vous ressentez un poids sur vos épaules. Ce genre de sensation que les clébards doivent avoir quand une catastrophe naturelle s'annonce. Pourquoi cette goutte de sueur sur votre tempe ? Si seulement ce n'était que les tensions entre la mafia grise et leurs proches amis de circonstance de la triade, si seulement ce n'était que l'habituel froid glacial des Halloween à Gotham City. Frost et Patrick vous ont pourtant assuré lors de cette réunion que Marcia Falcon n'était plus que l'histoire ancienne, une petite marionnette qu'on avait jetée aux ordures. Et pourtant, vous avez tous reçu ce message de sa part, une adresse, et de nombreuses supplications vous demandant de vous y rendre au plus vite. Malheureusement, avec l'incident qui a suivi la réunion, l'enlèvement de certains d'entre vous et la blessure et les blessures de deux parmi vous, vous en êtes sorti grandement ralenti. Et lorsque l'adresse fut atteinte, il n'y avait aucune trace de Marcia ou de qui que ce soit. C'était il y a des jours. Et alors que vous retournez d'une mission sans importance et que les premiers flocons de neige tombent sur Gotham, les squelettes aux fenêtres et les citrouilles sur les trottoirs vous toisent du regard, hilar. Du coup, comme je l'ai dit, vous retournez d'une petite mission que vous avez eue la veille, qui s'est très bien passée, mais qui était plutôt surréaliste. Ça faisait partie de ce genre de mission que vous aviez récemment, qui était basée sur le principe d'aller livrer de la drogue à quelques gars qui allaient le vendre pour vous. Ce genre de choses. Le fait que c'était surréaliste, c'est surtout que vous aviez été le vendre tout proche d'un lycée, à un espèce de gang de punk qui se prenait pour le Joker, et qui, pour accepter le deal, tout simplement, vous leur avez passé une mallette que Frost vous avait confiée, dans laquelle se trouvait une jolie cravate jaune et tachée de sang. Après ça, ils ont complètement accepté tout le deal, ils étaient à votre merci. D'accord. Et donc, vous êtes sur le retour, vous vous rendez à votre point habituel dans un petit entrepôt pour faire votre débriefing. J'aimerais savoir tout simplement dans quel état d'esprit vous êtes, pas forcément par rapport à cette mission que vous venez de faire, même si certains peuvent en parler, mais surtout de manière générale par rapport peut-être au enlèvement qu'il y a eu, à la disparition de Marcia alors qu'elle était censée mourir, ce genre de choses. Donc on peut commencer dans l'ordre si vous voulez, faites comme vous voulez. Du coup je vais commencer, j'ai pas grand chose à dire. En très gros, moi c'est plus physique que mental, hein. J'ai pris une balle dans le dos, c'est pas rien non plus, même si je vais mieux, je me suis un petit peu rétabli, je me suis pas encore totalement remis. Sinon, se prendre une balle dans le dos, ça fait toujours un petit choc moral, c'est lâche, c'est etc. Enfin, voilà, donc mon moral est pas super fort là-dessus. Sinon, le fait qu'on ait rencontré un monstre de 3 mètres, ça m'a pas choqué plus que ça. Très bien. Voilà. Jess ? Parti. On t'entend pas, Jess, si tu parles. Eh bien, moi, je n'étais pas là la dernière fois, donc je ne peux pas. Bah forcément, je n'ai pas de conséquences suite à la dernière partie. Donc, du coup, je suis plus en tant que spectatrice pour l'instant. Je sais pas si je suis clair, mais dans le sens où. J'attends de voir ce qui va vraiment se produire là maintenant pour voir comment rebondir. Ok, d'accord. Thompson? Disons que avant, quand j'entendais le clochard là, je sais plus comment il s'appelait, celui qu'on avait, qui nous avait guidé un peu partout. Sirius, qui parlait de ces trucs un peu, ces histoires plus farfelues les unes que les autres. J'étais vraiment dans le. Il est cinglé, et limite à peine l'écouter. Et plus ça va, et notamment depuis la rencontre avec le reptile, je commence un petit peu à changer d'avis et me dire que Gotham. Malgré ce côté voilà, pègre et tout ça, il y a quand même des choses beaucoup plus ténébreuses et sombres qui rôdent et qui sont peut-être plus dangereuses encore que ce que nous on a à faire aujourd'hui. Du coup, ouais, c'est pas que je me suis un peu refermé sur moi-même, mais je suis un peu fermé, enfin un peu dans la réflexion, quoi. J'ai des pensées plus sombres. Voilà. Pat? Alors, pour faire simple, moi, ça fait depuis le début de l'aventure que je ne comprends absolument jamais rien à ce qui se passe. Donc ça va pas commencer maintenant, clairement. Voilà. Je suis toujours aussi paumé, mais peut-être un peu plus d'avoir vu les Argéons. Voilà. Parfait. William? Je vous emmerde tous. On me fait tout chier. Non, oui, c'est ça. Je l'aime, bien sûr, contre mes amis. Baissez vos armes. Mais non. Non, c'était trop la dernière fois, ça allait. D'accord. Je suis pas okay. Ouf. Je vais suivre parce que c'est mes potes, mais je suis pas ouf. Bon, du coup, Jess, toi au point de rendez-vous, tout ça, où il y a tout le monde, je sens quand même que l'ambiance a l'air un peu étrange. Genre les gens, ils ont tous l'air d'être un peu ailleurs ou un peu perturbés. Alors que pour toi, disons que techniquement, tout se suit logiquement. Hein. Mais tu vois, ils ont l'air d'avoir vécu une expérience qui les a un peu changés. Ouais. Ouais. Et donc, à ce point de rendez-vous, où vous êtes, où normalement Frost ou Patrick ou même Chipolata sont censés être là, bah, cette fois, il n'y a personne. Bon, c'est pas la première fois, il y a eu plusieurs occasions où ils sont arrivés en retard ou parce qu'ils avaient quelque chose à faire, ce genre de choses. Donc, a priori, vous êtes seul dans ce hangar. Est-ce que vous essayez de trouver quelque chose pour vous occuper ou est-ce que vous attendez juste dans votre coin à pleurer sur vos expériences passées? Moi j'ai plus, j'ai des clémentines. Très bien. Moi j'ai plus de pommes. J'attends dans le groupe, je parle pas. La dépression se ressent sur moi. Et moi je déprime à côté de lui. D'accord. Ligne de déprimé. Le banc des blessés. Tellement. Avec un petit soupir. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Alors je me jette pas, hein, mais. Alors non, il y a pas de fenêtre. Oh merde, j'aurais pu plonger mon regard vers l'extérieur de. Et, mais non. Alors je plonge mon regard vers le mur. Ok, d'accord. Donc, vous attendez un petit moment. Certains d'entre vous qui ne sont pas trop perturbés peuvent peut-être repenser aux derniers jours qui se sont déroulés depuis l'enlèvement qu'il y a eu. Ou tout simplement, d'après les discussions que vous avez eues avec Patrick, Frost, des tensions avec la triade qui n'étaient pas voulues par Frost à la base, ça ne faisait pas partie de son plan, ont commencé à avoir lieu. D'après Frost, d'ailleurs, ce serait en partie la cause de certains de ces hommes. Il ne parlait pas de vous, bien entendu. Vous êtes les bons hommes. Oui, et une femme. Et une bonne femme. Vous pensez aussi, souvent, au... A priori, il y a aussi eu quelques... Du gros grabuge, vous savez que la présence policière a été augmentée à Gotham dernièrement. Enfin, présence. Ils sont jamais très présents. Hein. Bon, c'est les flics de Gotham, quoi. Mais ils ont pris l'habitude de patrouiller un peu plus souvent. Hein. De demander des papiers à certains gars un peu trop chelous. Merde. Ouais, j'ai été contrôlé l'autre jour. Je m'étais garé en double fil. C'est genre ça. Les gens qui ont un costard trouvé dans le dos. Oui, ça fait partie des gens. Surtout ceux dont le trou dans le costard ressemble à un trou de balle, tu vois. Genre, on leur a tiré dessus, tu vois. C'est un peu bizarre, même si c'est Gotham, mais bon. Est-ce qu'on peut considérer... Ouais, Gotham, les gens qui sont tirés dessus, c'est bon, c'est un peu le quotidien. MG, est-ce qu'on peut considérer qu'on est racheté, hein? Oui, tu peux. Ok, je t'en ai racheté. C'est vrai que c'est un problème d'avoir rapiécé, moi, si tu veux. Oui, bah attends, je te disais si c'est recousu. Et donc, tous ces changements qui ont eu lieu dernièrement participent à l'ambiance un peu oppressante qu'il y a en ville depuis certains jours. Vous savez que les choses pourraient s'empirer d'un seul coup. Et justement, alors que vous pensez à cela... J'ai perdu mon dé. Et bien tout simplement, alors que vous pensez à ça, Jess, tu reçois un coup de téléphone. Ok. Tu le vois, de la part de Patrick. Ok, bah je décroche. Très bien, donc tu décroches et avant même que tu aies eu le temps de dire quelque chose, ça fait... Salut, tu peux mettre le haut-parleur s'il te plaît? C'est bien Patrick. Hein. Oui, je me suis par là. Très bien. Salut les gars, vous m'entendez? Ouais. Ok, très bien. Vous entendez en arrière-plan, pendant qu'il vous parle, qu'il a l'air d'avoir de l'agitation derrière lui. Il y a quelques gars qui ont l'air vachement énervés. Il y en a certains qui s'engueulent clairement. Ouais, c'est Patrick, on peut s'y attendre. Enfin, ouais, mais a priori, ça a pas l'air d'être genre le chaos. Ça a l'air vraiment, il y a l'air d'avoir une discussion plutôt musclée derrière. Plutôt houleuse. Ouais, voilà. On reconnaît les voix ou pas? Alors, c'est un peu trop en arrière-plan pour que vous reconnaissiez. Mais il vous semble bien entendre Frost derrière aussi qui gueule à certains moments. Ah. Oui, donc qu'est-ce qu'il nous dit, le Patrick? Et donc, Patrick enchaîne avec... vous êtes tous là? Oui. Tous? Tous. Oui. D'accord. Il y a Chifoladas avec vous? Non. Ah non. Ok, d'accord. Je vous passe le patron. Bisous, je vous aime. Ah, on va bouler. on va se faire défoncer. Très bien. Donc, rapidement, Frost prend la suite. Et il sans même dire bonjour ni rien. Il enchaîne directement, il fait... ok les gars, tout va bien se passer, d'accord? Surtout paniquez pas. Okay. C'est un très mauvais manager en situation d'urgence. Ok, on est clairement dans la merde. On a tout le stock a flambé. Tout le stock a flambé. Je crois qu'il y a la moitié de la mafia qui s'est rendu compte de notre truc. Bon, écoutez, on se retrouve à 2h du matin. Actuellement, il doit être quelque chose comme 21h. Hein. Je vous préviens. On se trouve à 2h du matin sur le pont qui mène à Bloodhaven. Mm-hmm. On est d'accord. Amenez, je sais pas, vos affaires, quelque chose. On se tire le temps que ça se calme. Ok. Ok. D'accord. Mais juste avant, j'ai un dernier truc à vous demander. Ouais. Et qu'à vous, je peux vous le demander parce que tous mes autres gars sont déjà en train d'essayer d'empêcher que ça parte trop en couille. Ouais. J'ai besoin que vous flinguiez quelques gars pour couvrir nos arrières. Ouais. Ok. Qui des noms et des adresses, ça suffit. Ouais. Alors, premièrement, il y a Alfredo Mori. Certains d'entre vous l'avez pas trop croisé, il me semble que vous l'avez croisé qu'une seule fois. Il était à la réunion de la Camarilla. C'était le type qui avait l'air d'être le moins chaud pour notre affaire. Je sais pas trop si vous en souvenez, mais bref, je vous passe son adresse avec les autres en SMS dès que j'ai fini l'appel. D'accord. Ensuite, il y a le baron Samedi. Il est actuellement dans le sous-sol du My Alibi. Je lui avais dit qu'il pouvait se planquer là quand son affaire a commencé à partir en couille. Mm-hmm. Donc occupez-vous de lui aussi. Il faut à tout prix aussi que vous retrouviez Martia et que vous la flinguiez. Elle est pas morte. Alors, là, j'ai pas d'infos pour vous par rapport à ça, je sais pas où elle est. Il va falloir que vous vous occupiez aussi de Chipolatas. Oh. Ah. Mais bon, soyez, faites ça proprement pour lui, d'accord? Pas de problème. Ça, okay. Oui. Soyez pas sale. Okay. Bon, on se retrouve au point de rendez-vous, comme je vous ai dit. Et soyez-y, parce que si vous n'êtes pas à la bonne heure, malheureusement, on va devoir partir sans vous. Ok. Ok, bon. À plus tard. Et paniquez pas. Et il raccroche. On rejoint quelqu'un. Bon. Clairement, les gars... Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à nous aussi. Parce qu'il a l'air de faire le ménage. Et... Non mais en fait le truc c'est que... La question c'est est-ce qu'on doit vraiment l'aider pour le coup là? Je pense. Enfin, en vrai sur le on, genre, nous on était à la réunion donc on peut se faire prendre. Donc on doit l'aider même si après... Bah clairement. Puis après on peut très bien le faire si on veut s'émanciper de lui. Ce que je peux comprendre vu l'état des choses actuelles. Si jamais vous envisagez, moi je sais pas, je dois vous avouer que là pour l'instant aucun des deux me tente plus que l'autre, mais si jamais vous envisagez de le quitter, on peut très bien faire là l'émission, à part peut-être pour qu'il peut... Oh merde, ça. J'avais pas raccroché, désolé. ouais, mis à part, putain, lui avait raccroché. Lui avait raccroché le gros plan tout à l'heure. Le gros plan qui s'est entre le haut-parleur. C'est vrai que je joue. Mais qu'est-ce que t'es con. C'est pour. Du coup, ouais, peut-être à part pour Chipolatas, on peut même faire les exécutions en tant que Red Hood, quoi. Du coup, ça nous fait des couvertures. De toute façon, on peut très bien faire ce qu'il nous demande. Et puis après, si on a besoin, si par exemple la mafia nous tombe dessus. On leur dit qu'on fait le boulot pour eux, tu vois. Genre, on avait décidé de tuer tout le monde depuis le début pour vous prouver notre allégeance. Est-ce que traîner avec Frost peut pas nous amener à d'autres ennuis encore? Non, après, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas vraiment de faire le boulot. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que Frost, clairement, il nous demande de faire le ménage. Mais après de le rejoindre, et c'est pas dit qu'il fasse le ménage de nous aussi. Parce que d'enlever toutes les preuves de quelque chose et on ferait partie de ces preuves. Donc, plus moi, il y a de la base. On n'est pas haut dans la hiérarchie, faut pas oublier qu'on est des on n'est pas haut, mais on sait des choses qui peuvent se retourner contre lui, clairement. Donc, à ce moment-là, on peut aussi faire un coup de. On prend sa place, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de conneries entre eux. Pour le coup, bon, si vous voulez vous retourner contre lui, bon, moi je vous suis, je m'en fous. Après prendre sa place, vu l'état actuel des choses. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas prendre sa place, on continue pas le réseau, de toute façon on n'a jamais été court. Hein. Mais oui, clairement. Bah, après, moi je serais quand même pour faire des exécutions au nom du Red Hood, et après on saute peut-être de Frost dans la folie. Ou bah, on verra, on peut après faire ça, comme tu dis. Et voir ce qui se passe derrière, genre y aller mais en mode secure pour être sûr qu'il nous fasse pas un coup de voilà, et en fonction de ce qui va se passer agir, parce qu'après il peut ne rien faire et on se débrouille, et s'il fait rien, ben on peut très bien partir chacun de son côté et puis on arrête là avec lui. Moi je pense, enfin je n'ai pas lu vraiment des signes comme quoi il voudrait nous trahir, parce que sinon je pense qu'il aurait, enfin, il nous aurait juste mis dans le ménage. Après, il a besoin de gens pour tuer d'autres personnes. Il peut très bien dire, attends, on va les envoyer eux, ils vont faire le taf, et quand ils reviennent, ouais, mais il faut pas négliger cette possibilité. C'est tout. Après, j'ai envie de dire, on a quand même fait pas mal nos preuves, et je pense qu'il sait qu'on est plus dangereux que juste des petits pèlerins. Enfin, jusqu'à présent, on a rien dit. MJ, on a combien de temps pour préparer le jusqu'à au moment où on doit le rejoindre? On a combien de temps? Alors, il est actuellement 21h. On a jusqu'à 2h du matin, c'est ça le rendez-vous? Et vous avez jusqu'à 2h du matin. On a 5h. 5h pour tarder, tuer... ouais. 5h pour tuer 4 personnes. Pour trouver... Si on prévoit à la fin de trahir en fait Prost, quoi qu'on lui fasse, est-ce qu'on irait tuer ses ennemis? Mais oui, enfin moi je suis pour tuer ces 4 personnes dans tous les cas. Enfin d'un côté, comme l'a dit Van de tout à l'heure, ils sont liés à la grande réunion qui était, donc ils connaissent nos identités. Donc si jamais ces ennemis de Frost sont aussi nos ennemis à nous, donc même si après vous voulez quitter Frost, autant faire le ménage maintenant que d'abord se faire Frost et après faire le ménage. C'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, il faut buter les mecs. Après, mais on sait qu'on en a un, on sait où il est déjà. En 5 heures, c'est chaud. Donc, le mec qu'on connaît, on a qu'à envoyer un mercenaire, on a qu'à envoyer une sorte de mercenaire, j'en connais quelques-uns. Tu les payes, il tue quelqu'un. Enfin... Ben, moi, honnêtement, je repense à ce qui s'est passé dernièrement. Je pense que dans un souci de bonne entente, je pense qu'il serait plutôt sympathique pour nous d'envoyer un message à qui vous savez pour le Baron Samedi, puisqu'il le recherchait activement, et ça pourrait être un signe de voilà, on est bien tous ensemble, tu vois. Enfin, comment tu veux qu'on envoie un message? Ouais, j'avoue, tu veux faire quoi? Tu veux aller le voir comme ça? Enfin, là c'est la question au MJ, mais est-ce qu'on aurait un moyen de pouvoir lui faire passer un message? En vrai, oui. Alors, mis à part hurler très fort dans une bouche d'égout, non. Je te descends pas là-dessous. Hein. Non, mais après, je dis ça, mais. Il y a moyen de faire partie. Il y a moyen de lui faire comprendre. On laisse un papier sur le mec mort et on le laisse dans les égouts. De toute façon, c'est les autres gens qui vont le retrouver. C'est le mec avec les lanternes là. D'un côté. Et on signe gros. Cher vraiment Baron Samedi. Alors moi, je suis pas du tout pour coopérer avec cette chose. Hein. On est d'accord. Hein. Je veux pas la revoir. Mais si jamais il le cherche vraiment, je suis sûr qu'il a forcément des informateurs en surface, parce que si les mecs restent dans les égouts, ils risquent pas de trouver grand monde. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a moyen de laisser sous-entendre que. Je sais pas, peut-être on l'a trouvé, un truc comme ça, pour que ça arrive à ses oreilles. Oui, après, voilà, c'est ça. Et qu'il sache de qui ça vient, tu vois. Hein, pour que si un jour on est amené à le recroiser, qu'on soit en bon terme, tu vois. Parce qu'on a fait quelque chose pour lui. Donc il pourra faire quelque chose pour nous, plus tard, on sait jamais. Genre nous laisser en vie. Exactement. Bon, déjà, non. Je propose qu'on y réfléchisse sur le voyage. On va à l'adresse que nous a donné, on bute le mec, et pendant le voyage, on réfléchit à comment on va le buter et ouais. Où est le prochain. Ouais, surtout sachant qu'il y en a une, on a aucune info sur elle. Donc. Là, on est en course contre la montre. Donc, on se sépare. Si on est obligé. Oui, se séparer, c'est chaud. Se séparer, je pense que ça peut être chaud. C'est la pire des idées. Hein. Bah après, je sais pas, parce que vous m'avez pas validé ou affirmé ou quoi que ce soit, mais si jamais on le fait au nom du Red Hood, ça peut être bien sympa que tout le groupe arrive, descende le mec, on se casse, on va à la rue. Ouais, ouais, ça va. Bah après, comment arriver à avoir des infos sur leur possible... Déjà, les mecs, il y en a plusieurs, on sait les gens comment les contacter et tout, quoi. Est-ce qu'on a le numéro de Chipolatas? Non, vous n'avez pas son numéro. Oh, putain, ouais, mais par contre, je pense que Frost ou quelqu'un comme ça doit avoir son numéro. Oui, Nico, Jess, tu peux envoyer un message à Patrick. Demande-lui le numéro de Chipolatas. Ok, j'envoie un message à Patrick. Je propose qu'on prenne la voiture et qu'on aille directement chercher le premier mec. On va chercher le mec et on réfléchit au plan. Il faut pas oublier qu'on est en course contre la montre. Alors, quel mec? Bah, c'est là qu'on a l'adresse. Ouais, qui celui qu'on connaît. On samedi alors. Non, c'est pas lui qui est au Miami. Non, je l'ai noté. Si, c'est le baron samedi qui est dans les sous-sols du Miami. Non, on a deux adresses. On a un dans les égouts et Alfredo Mori, on a son adresse. Ah, d'accord. Donc c'est l'adresse d'Alfredo Mori et le baron samedi est dans le sous-sol du Miami. Ah oui, d'accord. Bon, bah on commence par Alfredo du coup. Okay. On commence par Alfredo parce qu'il peut potentiellement bouger alors que le mec doit être bourré l'autre. L'autre il se cache de toute façon. Il se cache là-bas. Donc. Et quand tu te caches, bah tu bouges pas. Tu bouges pas. Ouais. Bon bah allons là-bas. C'est parti. Ok. Ouais. C'est la Renault de mobile. Non mais tellement. Bon après, il faudrait éviter genre vraiment la customiser. Tu vois les mecs qui. Donc je prends mon sac. La forme de la bagnole, c'est un casque rouge en fait, comme la Johnny. Mon sac avec tout mon stuff Redwood dedans. Ouais, pareil du coup. Je prends mon gun, vous transformez tous en Redwood, quoi, c'est ça? Ouais. Moi, je prends ma housse de guitare. Cher maître du jeu, oui. Si vous me l'autorisez, avec l'argent que nous avons gagné depuis le début, que je n'ai pour l'instant rien dépensé, si ce n'est en futilité. Mais moi, c'est comme pareil. Ou quoi. Quand tu veux un char d'assaut. Ouais, faire le T90. Considérez que j'avais acheté, du coup, une arme, si ça ne vous dérange pas. Et comme je suis plus fort en armes de pointe que dans le reste, en gros calibre, un 45. Sinon, moi j'en ai un revolver que j'utilise jamais. Hein. Moi j'aime mon 9mm, mais je l'utilise. Ouais. Mais moi c'est un 9mm, justement j'aimerais un truc plus gros. Oui, moi j'ai un revolver que j'utilise j'aimerais jamais. J'aimerais acheter un 45 moi. Ah, mais moi je sais. Je vais prendre un Desert Eagle, ouais. Je sais pas si c'est bien. Un bon magnum. Des familles. C'est nul, hein. Non, vraiment, des articles, c'est genre la pire arme, ça vise ultra mal. Ah bon? Ouais, bah attends. Bon, en fait, des articles, sur le papier, c'est bien, genre dans Counter-Strike, mais en vrai, en fait, tu te pètes le poignet, il y a beaucoup trop de recul, c'est hyper lourd. Ouais. On prend genre un Glock. Un Glock. Alors, attends, je m'y connais rien en arme, c'est génial. Attends, je veux dire le Glock que j'ai pris moi au pire. Ouais, je vois Glock 17. J'allume le moteur de ma voiture. Ouais. Là, je considère que vous voyagez. Hein. D'accord, ok, merci. Bon, moi, c'était. Du coup, je lui pose la question de. Je l'avais acheté avant, et du coup, là, avant de commencer ma mission, j'ai équipé ça, tu vois. Ouais, tu l'as. Un Glock ou un Beretta, c'est ce qui est mieux. Non, mais c'est un Glock 17, ça va faire le taf, c'est ce que j'ai depuis le début de la partie. Un quoi? Un Beretta, tu mets vachement plus Glock de balles. Alors, attends, vous me dites pas les mêmes infos, je regarde Glock 17 et Beretta. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Bah, le Beretta c'est plus lourd, mais tu mets deux fois plus de balles dedans. Je vais prendre un 357 Magnum. Moi je vais prendre un petit Beretta M9. Il est joli. C'est bien. D'accord. 16 balles dedans quand même, c'est pas mal. Et. Le mien, je sais plus ce que j'ai mis. Et parce que j'ai de l'argent à perdre, je fais graver ce. Comme un Paris dans l'arme fatale quand même, tu peux pas le tester. D'ailleurs, j'ai pris mes deux chiens moi, enfin. Joseph. Ok. Donc, vous traversez un peu la ville. Hein. A priori, Alfredo Mori n'habite pas dans la partie pour les pauvres. Merde. Il est pas chez Donc, vous traversez un peu la ville. Vous entendez à la radio, si vous avez allumé la radio. Dites-moi si vous avez allumé la radio. Dans ce genre de moment, on allume la radio pour savoir ce qui se passe un peu. J'imagine. Donc vous entendez à la radio simplement que... justement, là, en cette belle soirée, il y a eu quelques incidents. Il y a eu plusieurs attaques entre différents groupes non identifiés. Les tensions entre la mafia grise et la triade sont à la limite d'imploser. Certains annoncent une guerre des gangs en approche. Chose plutôt intéressante, vous entendez aussi parler d'un bâtiment qui était dans le vieux Gotham, qui aurait explosé, pris feu, dans lesquels on aurait trouvé plusieurs résidus de produits narcotiques. D'accord. Ainsi, okay. Donc... d'accord. Ainsi, vous traversez la ville et vous arrivez à l'adresse de Alfredo Mori, qui a l'air d'être une maison bien sympathique, dans laquelle il y a de la place. C'était pas un pauvre. Oui, selon les barons, hein. Alors, est-ce que... On peut utiliser la compétence déguisement. Oui, de devenir un livreur de pizza. Ah ouais, vas-y, on fait trop ça. Moi, mais je après, il n'a pas commandé de pizza. Mais... Ah, ben non, je fais le témoin de Jéhovah, si tu veux. J'ai une compétence de discrétion pour me glisser. Non, mais si vous voulez, je peux l'occuper. Genre, je mets une chemise avec une espèce de sac à dos nul et une Bible, et je fais le morban et je commence avec la grappe. Bon, je sais que c'est moi qui ai dit qu'on n'était pas très subtil. Mais d'un côté, j'aime bien ne pas être subtil. Et d'un côté, on n'a pas le temps. Parce que il faut trouver l'adresse des autres personnes qui nous manquent. Et ça va pas. Quelqu'un ouvre la porte, je tire, on part. Exactement. Et on y va avec les casques. On fout des coups de boule dans la porte. Est-ce que ce serait pas possible, juste avant de le tuer, rapidement, de lui poser la question, est-ce qu'il sait où sont les autres, avant de lui dire qu'on va le tuer, tu vois, histoire de dire... Ça tu m'aurais écouté, je l'ai dit tout à l'heure, putain. Ben oui, mais là ça a été coup de pompe, on tue, ça a dû au revoir. Donc moi, voilà, c'est resté là-dessus. Non mais c'était juste, c'est une façon imagée de parler, mon cher Thompson, c'est juste pour dire éviter non plus de... Alors moi je vais me déguiser en livreur de pizza, moi je passe par oui, les 10 oui, coups. Oui, non mais voilà, après, voilà, donc on est bien d'accord. Un plan très simple, hein. Donc après, on met le coup de pompe, on le chope, on lui pose des questions, genre vite fait, savoir est-ce qu'il sait où sont les autres, blablabla, et on le bute. Et on s'en va. C'est-à-dire qu'on est un peu pressé encore, on aurait un mec à tuer, mais là on en a quatre. Est-ce qu'il y a quand même moyen de juste jeter s'il n'y a pas, de faire attention s'il n'y aurait pas des gardes du corps ou autre, pour pas non plus aller... Ça, à la limite, je peux comprendre, parce que bon... Après, on est dans les emmerdes, hein. Ceux qui observent, voir s'il n'y a pas des gars, faites-moi un jet d'observation. Voilà. Non mais sinon on peut faire un truc très simple. Moi je me redéguise en mormon ou n'importe quoi. Je force comme un malade pour entrer. S'il y a personne, je mets une gigantesque droite et vous rentrez. Comme ça on est à l'intérieur, il y a personne qui nous regarde, rien. Mais que ferait un mormon ici? Enfin, je sais pas. Bah, ils sont partout les mormons. Non mais pour quelle raison tu viendrais le voir? Bah parce que les mormons. Ils alors les j'ai d'observation, attention. Il y en a plein. Ça passe, j'ai 30. Il y en a combien? 30 sur 52. J'attends que tout le monde ait son résultat. Enfin, les gens qui observent, en tout cas. Je suis en train de me déguiser, moi. Très bien. Je vois un message à Patrick. Eh bien, fais-moi un jet de déguisement si tu te déguises. Jess, pour le message que tu as envoyé à Patrick, par rapport au numéro de... Ouais. De Chicolatas, il t'envoie tout simplement son numéro. Et ensuite il te renvoie un message avec un petit smiley qui sourit et soyez là à l'heure du rendez-vous. Ok, je réponds toi aussi. Très bien. Enfin vous aussi. Toi aussi petit cœur. Tu Frost d'ailleurs. Seulement toi on veut. Ok. Donc a priori on a réussi à observer quelque chose, monsieur le MJ. Alors, ceux qui observaient voir s'il y avait des gars, A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de garde dans les environs. Ah, et ben on y va et on défonce tout. Et pour ce qui est de Pat, il se retourne, il met de nouveaux habits, il se modifie, et puis il se retourne de nouveau vers vous et vous le reconnaissez pas. C'est un métamorphe. Je tire, il y a un intrus. Ah ouais. Qui est ce gars? Et on lui met un shoot dans la gueule. Poum. Il fait avec le sac à dos trop serré, la cravate, tout quoi. Genre il a changé, son visage a changé de forme. Oh non, elle, franchement. Comme le mec dans Capitaine Flamme, je crois. Il change la tête. Bon alors, bon, qu'est-ce qu'on... De toute façon, là, on est parti pour péter la porte, que tu y ailles ou pas, donc... Mais non, mais genre, moi, je le fais rentrer dans le truc, je l'immobilise, et ensuite, vous rentrez, comme ça, il n'y a personne qui nous voit, il n'y a pas de témoin, rien. Au lieu de péter la porte comme des bourrins et faire que les voisins appellent des flics. Non mais on est le ouais, Red Hood, tu t'en bats les couilles, les gens vont faire « Ah, il y a des gens masqués ah. !» Déjà, oui, déjà on est en tenue Red Hood, donc... C'est-à-dire qu'encore, tu vois, il y aurait de la torture, tout ça, je peux comprendre, mais comme on va faire ça en 5 minutes, on sera déjà de l'autre côté de la ville quand les flics vont arriver. Donc clairement, je pense qu'on va pas se prendre la tête, là, il y a beaucoup de choses à faire. De toute façon, là, normalement, ça va prendre très peu de temps, hein. On rentre... On lui pose les questions qu'il faut, il peut nous répondre, il répond, il peut pas répondre, bim, salut, au revoir. Ça va durer... Imaginez tout connement, juste sa porte est fermée, et genre... C'est l'intimidation classique, en fait, enfin, c'est... Tu défonces la porte, de toute façon, on s'en bat les couilles. Non mais ça se trouve, il peut s'enfuir et tout, moi je dis... Il faut que je puisse... Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer dans la maison et... Genre qu'il se doute de rien, quoi. Non, mais il faut pas chercher un plan, là. On y va s'il y a il pas... Il est tout simple, mon plan. Non, je suis vraiment d'accord avec le fait que... Pourquoi vous prenez la tête, enfin, genre... De toute façon, c'est quoi? Vas-y, toque à la porte, et on va t'aider à toquer à la porte. Vas-y. Toque à la porte. Vous planquez juste à côté, quelque vas-y, chose. Vas-y, ouais, on va se planquer derrière la sonnette. Bon, je toque. Très bien. Donc les autres, vous êtes genre un peu sur les côtés ou vous êtes vraiment juste avec lui? Juste dites-moi. Allez, pour lui faire plaisir, je me mets sur le côté de genre. Moi, je reste à la voiture au volant. Tu te décales d'un pas, je vois, tu fais voilà, un peu de... pas dans le voilà, champ de vision de la porte. Donc, Jess voilà, dans la voiture et les autres sur le côté. Voilà, flingue sorti, etc. J'ai quand même mon flingue sur les genoux au cas où. Pas chaud. Pat. Donc tu toques, enfin tu sonnes à la porte, hein, y a une sonnette, oui. C'est la technologie. Ouais, je prépare mon plus beau sourire. T'attends un petit moment et rapidement, tu entends une clé qui tourne dans une serrure et la porte qui s'ouvre. Et tu lances directement, d'accord. Mon pied se bloque la porte, genre vraiment qu'il puisse pas refermer. Bonjour, je représente l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous me permettez d'entrer quelques minutes pour vous parler de notre Seigneur à tous, Jésus-Christ? D'accord. Donc, t'as cette gentille bonne femme qui te regarde, qui est un peu choquée par ton geste et par ta quasi-attaque verbale. Hein. Et qui dit... non, désolé, on est occupé, on est en train de prendre, enfin, on est en train de dîner. Repasser une autre fois. Non mais genre, je force un peu. Tu vois qu'elle essaye de fermer la porte. Pour parler de notre Seigneur à tous, et genre vraiment, ouais. Je pose ma main sur son épaule et genre, je force un peu à rentrer. Quand tu poses la main sur l'épaule, elle recule d'un coup, ce qui te laisse la possibilité d'entrer si tu veux, mais... Oui, voilà. Elle fait « Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien partir de chez moi ?» Moi, en ce moment-là, je suis sur le côté, vu que la porte s'est légèrement ouverte, je pousse la porte et je rentre comme un sauvage. D'accord, donc juste avant, Pat, t'as eu le temps... Oui, mais il a bougé, donc juste avant, Pat, t'as eu le temps de voir qu'a priori, il y a un couloir et tu peux voir personne dans ce couloir, ça mène sur plusieurs pièces. Mais t'as pas de vue directe sur ces pièces. Pendant ce temps, donc, Thompson lance l'assaut. quand je vais rentrer, je chope. Dès que je vois que Tom rentre, moi je rentre de force aussi. Hein. Ah, c'est pareil, ah, oui. C'est genre, il fait la vague et on le fait tous l'arme à la main, mode go go go. C'est ça. Exactement ça. Hein. C'est donc si j'ai bien compris, Pat, toi tu immobilises la, de, la madame. Oui, je fais en sorte qu'elle fasse pas de bruit et je leur fais le signe de tête, genre pas de bruit. Parce que le but c'est pas que le mec en entendant du bordel il s'enfuit par la fenêtre. Non, on y va discrètement, genre on rentre en mode furtif quoi, mais on rentre quoi et on essaie de regarder du balayage. C'est comme un assaut du GIGN où j'en ai pour quel truc, c'est d'abord on rentre et après c'est au moment où on arrive dans la salle que tout le monde commence à gueuler en mode bouger. Oui voilà. Là on regarde les salles voir si quel. Vous rentrez, vous regardez de pièce en pièce pour voir s'il y a quelqu'un, a priori, pour l'instant il n'y a personne. Puis vous arrivez dans le salon, avec une grande table, ce fameux Alfredo Morey avec les cheveux gominés, et deux enfants à table aussi. Oh putain. Mais, moi je m'avance, arme au poing, avec mon Colt dans la main, j'arrive directement dans sa direction, on fait... À plat ventre, bouge pas. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je fais un signe de la tête, genre, bah, pas Thompson, celui déjà parti, du coup, à 22 qui est avec moi. Et, je dis des enfants, cassez-vous. Non, mais moi, je range mon arme vite fait, et je j'avoue. Le mec s'implique, tu sais, il sort son badge, police. Ah non. Est-ce que les enfants, ils sont cassés à ma... Je chope les enfants par le col et je les emmène dans le couloir. Moi, je m'en occupe. Très bien, donc tu t'occupes des gosses, tandis que, a priori... Voilà. Moi, la nana, je l'ai assommée. Moi... Et puis, j'ai acheté... Thompson, donc j'arrive vers lui. Au moment où je lui dis ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il voit bien mon arme face à lui. En fait, j'arrive face à lui, je gueule ce que j'ai dit là, mets-toi au sol, nanana, fais pas le con. Et genre, du coup, il a mon Colt, donc une arme quand même bien mastoc en face de sa gueule, avec mon casque de Red Hood, donc c'est machin. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il obtempère ou pas? Ah, donc, quand vous êtes arrivé, il avait sa fourchette et son couteau dans les mains, en train de manger un gentil steak. C'est-à-dire que donc, après que t'es gueulé, il dépose gentiment... fourchette et couteau sur chaque côté de son assiette. Et il l'obtempère avec des mouvements lents. D'accord, bah du coup, moi, je m'approche de lui et avec un l'aide de mon pied, en fait, je le pousse par terre, quoi. Je le fais tomber au sol à plat ventre. D'accord, donc il est par terre et tout ce qu'il dit, c'est « S'il vous plaît !» enfermer les enfants, je veux pas qu'ils me voient avant que les flics arrivent. Bah moi pendant ce temps là justement je vais avancer dans le couloir et je vais aller chercher les gamins. Avant que les flics arrivent? Bah en faisant toujours passer pour un témoin de Jéhovah. Comment ça avant que les flics arrivent? Il faut le buter vite hein. J'ai une alarme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le prendre et sortir. On lui force l'intimidation ou pas? On lui force. Il a donné des infos. Il a pas donné l'info. Ben non, pour l'instant, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il a dû. Il a d'avoir une alarme discrète, une alarme silencieuse, qui a prévenu la police d'une intrusion chez lui. Je m'approche, je prends la machette que j'ai toujours sur moi, bien évidemment. Je la mets sur son cou, je lui demande où sont les... Comment il s'appelle l'autre? Est-ce que tu sais où est Chipolatas? Non, ça on s'en fout. Je sais pas de qui vous parlez. Est-ce que tu sais où est Falcon? Marcia Falcon, tu sais où elle est? Non Moi, je suis en train de faire sortir les gamins, par contre. Hein. Elle est morte. Il y a déjà William qui s'occupe des gamins, a priori. Comment les ça, a amenés au bout. Le baron, il n'y a pas besoin qu'on se tâche. Bah non, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres personnes. Il n'y a que Chipo et l'autre, mais elle est morte. Comment ça, elle est morte? Qui c'est qui l'a tuée? Elle n'est pas morte. Et en fait, tout le monde pense qu'elle est morte, mais apparemment, elle ne l'est pas. Frost a dit... Attendez, je vous connais, non? Je mets la lame un peu plus profonde sous son cou. D'accord. On ne connaît pas, on est masqués, nous tous, non? Oui, de toute façon, oui. Oui, on est masqué. Après, il a peut-être. Ouais, mais on n'a pas parlé avec lui. Lucas, c'était un gars du truc. Il peut pas nous. Je vous rappelle que vous avez tous parlé pendant des heures et des heures au repas. Oui, c'est vrai. C'est... Ah, mais à lui, je sais pas si je le connais, moi. D'accord, je parle pas. Frost a dit qu'elle était morte. Donc tu sais rien, c'est ça? Tu sais rien? Mais quoi, je sais rien, qu'est-ce qui se passe? Tu sais rien sur elle, tu sais rien sur Chipolatas. Tu sais pas où ils sont. Mais je sais même pas qui c'est Chipolatas, bordel. Ah, mais Chipolatas, bah... Moi ce que je fais, j'arme le flingue et je le bute. Non, mais s'il te plaît, je suis juste à côté avec une lame. M'en fous, je le bute. Attends, je suis juste devant, t'es con. Mais non, mais moi je suis derrière lui. Il est au sol, hein, le monsieur. Hein. Donc c'est difficile d'être derrière lui. Non, mais il est au sol. Sauf s'il est couché sur vous, c'est impossible. Il est sur le ventre, Donc comment tu peux. Tu vois, je peux pas tirer dessus si je lui tire dans la tête. Oui, non, mais je voyais pas la scène comme ça. Mais ok. Donc moi j'arme le truc et je le bute et on se barre quoi. Enfin, on a pas le choix. Il n'y a pas besoin de gérer, de toute façon il était immobile aucun problème, c'est paf. Allez on se dit on se casse. Allez on se barre. Je voulais pas que les parents entendent la balle pour leur père. On s'en bat les couilles, on a autre chose à foutre. Ouais mais j'ai du respect. Oh mais attends, c'est le comble, c'est toi qui as du respect, alors on a tout vu. Allez. Allez, on se barre. Bon, du coup, j'enferme également dans un placard, etc. Et leur faire que Jésus vous protège, et puis je pars en courant. Très bien. Et on rentre dans la bagnole. Donc, vous quittez les lieux après avoir créé sûrement deux futurs athées extrêmement flippés des témoins de Jéhovah. Et vous portez pour. Dans une salle, hein. Ah oui. Ah oui, très bien. Je vous ai pas vous... en mode, regardez votre papa mourir. Oui, je l'avais compris. Et donc, vous partez pour Chipolatas. On l'appelle. Jess qui avait tenté une approche, il me semble pas. Jess, tu n'as pas eu de réponse. En même temps, d'un côté, c'est vrai que ça marche, mais le gros, t'es où? Ça peut foutre des doutes, hein, si tu sais que t'es est-ce en que, Est-ce que... Il aurait pas un endroit où il aime bien aller pour boire un verre, à part le Mayalibi, je sais pas. Le problème avec Chipolatas, c'est comme je vous l'avais déjà dit à chaque fois que vous l'avez croisé, c'est que c'était clairement le moins sociable des trois. Ok, on va au Mayalibi, c'est plus simple. Mais à la limite, est-ce que personne a des amis flics dans le lot? Ça serait le moment peut-être de se dénoncer comme ça, mais. parce que désolé, je suis pas le genre de personne qui traîne avec des flics. Moi, je suis bouche infiltrée. Ah, je savais. Sinon, c'est vrai que ça peut être utile pour tracer le numéro. Voilà. Sinon, il y avait l'adresse qu'elle nous avait filée, l'autre. Elle a déjà été visitée, cette adresse? Je m'en rappelle plus. Oui, elle a été visitée. Oui, elle a été visitée. Alors, elle n'était pas présente. Mais... Ouais. A priori, l'endroit avait été habité à un certain moment. D'abord, on remet à Libye, on en est sûr. Ou alors, on appelle le Mayalibi. Mais au Mayalibi, de toute façon, il y a Baron Samedi, donc c'est pas un trajet perdu. Hein. Ah ouais, oui, mais voilà, est-ce que tu voulais pas essayer de voir pour laisser le Baron Samedi à Zozo, là? C'est compliqué la vie. Non mais on va au Baron Samedi, on le bute. Là ça veut dire qu'on aura fait la moitié du boulot en une heure. C'est déjà pas mal. Ouais. D'accord. Écoute, moi j'ai essayé de voir plus loin. Oui bah non. Non, l'avenir c'est pas pour nous. Non, de toute façon il reste que deux sessions. Non mais attends, oui, c'est quoi? Non mais c'était pour être RP. Attends, je veux pas. Et mon bonhomme il est en train de se dire ah il reste deux sessions. On se calme, allez on se calme. Donc vous partez sur le Mayalibi. J'ai vu le film à la fin, il y avait bon nucléaire qui explose. Bah écoute, de toute façon je crois que j'ai pas trop le choix hein, parce qu'ils veulent aller au Mayalibi. Alors, d'accord, très bien. Donc, vous retraversez encore toute la ville hein, vu que le Mayalibi est dans la partie dans le quartier un peu pauvre. Donc vous traversez encore une fois la ville, ce qui prend un petit moment quand même, hein, quand vous avez reçu votre dernière mission, il était 21h, là il doit être 22h maintenant. Les voyages sont longs, hein, c'est une grande ville, hein, Gotham. Il y a des bouchons, tout ça. Non, mais on tire sur les gens pour les bouchons. Les mecs les moins discrets du monde, quoi. C'est ça. Ouais, donc, vous arrivez... vous arrivez au Mayalebi. Où il y a l'air d'avoir des lumières. Donc, alors, a priori, il y a des gens. Question, on y va toujours Red Hood ? Non, la, pas Red Hood. Non ? Non, mais non. Pourquoi ? Je sais pas. Enfin, on entre dans un endroit ultra... Il y a masse de monde. Si on se ramène en Red Hood, alors qu'on est presque une demi-légende en ce moment, ça peut mal se passer. Le Red Hood, il va boire un verre. C'est un endroit criminel, quoi. Si on se ramène en Red Hood, les mecs, ils vont vouloir nous tuer, non ? Oui, non, mais littéralement. On peut très bien, genre, être juste... Genre, tu sais, avoir le casque dans un sac... Et ils descendent au sous-sol, qui a sûrement pas beaucoup de gens, normalement, si tout se passe bien. Bah, y'a qu'une seule personne dans le sous-sol. Oui. Non, mais c'est pour jamais, hein. Peut-être que leur sous-sol, oui, c'est on peut le prendre dans... Après, on parle d'un casque, donc c'est pas facile à transporter, mais bon. Ouais, ça va, hein. Tu sais, t'as un petit sac, tu le mets dedans. Bon, ok, go, Pierre, go, on le met dans le sac, mais en tout cas, on rentre pas dans le bâtiment avec. Oui, non, oui, dans le bâtiment, oui, je comprends. Enfin. C'est plus sympa de le buter avec le rude pour le symbolisme, tu vois. Jess, que tu restes encore dans le véhicule ou est-ce que tu viens? Ah, Jess, on n'entend plus. Jess? Oui, alors... excuse-moi. Allô? Oui. Est-ce que tu restes dans le véhicule pour cette fois aussi ou? Non, du coup, cette fois-ci, je pense bien que je vais descendre. Elle serait restée, j'aurais dit que c'était une indique. Tu fais à toute l'émission. Non, mais moi je reste. Hein. Je figue. J'étais malade la semaine dernière. Très bien, d'accord. Donc, vous descendez tous, a priori, pour le Mayalebi. Ouais. Et vous rentrez et. Personne. En tout cas, personne dans la pièce qui est réservée au public. Eh bah nickel, là on met les casques, on tue tout. Bah du coup on se dirige vers le sous-sol. Peut-être avant j'aimerais voir l'arrière-salle là, parce que si je me trompe pas dans mon... De toute manière, pour aller au sous-sol, il faut passer par l'arrière-salle. Ah bon ? Bon bah go ouais. L'arrière-salle et après sous-sol. Très bien. Bah, donc... peut-être faire une vérification toilette, je suis sûr qu'il y a un couillon qui est capable de s'y cacher. Donc vous jetez un coup d'œil aux toilettes. Ça tombe. Putain, mon scénario! Il va y avoir un des gars qui va être dedans. Alors, merde, est-ce que je vais placer Batman maintenant? Mais là, vous voyez non. Batman en train de faire caca. Non, donc, justement, là, tu ouvres la porte et tu vois Batman au milieu de toi en mode. Oups. Non, bonne journée. Donc, vous jetez un coup d'œil aux toilettes et a priori, il n'y a personne. Ok, non mais ça me suffit, c'était juste au cas où tu sais, il y a un mec qui se croit malin. Bon bah go derrière. Et vous arrivez dans l'arrière-salle et vous voyez qu'il y a l'air d'avoir eu du grabuge ici. Surtout en jugé par trois corps qui sont au sol. Ok, oh, merde, c'est trompé du coup. Qui donc il y a l'air d'avoir eu baston récemment. Et est-ce qu'on reconnaît des gens? Ouais. Alors, je vais tous vous demander un jet d'observation. Ok, monsieur. Oh, okay. Oh, oh, oh. 90. 230. Les gars, écoute, je connais les trois, je sais où ils habitent, leur carte bancaire, le numéro de sécu aussi. C'est pour jamais. Oh putain. 26. Aïe, aïe, aïe. 26. Donc, c'est Batman. Trois fois. Ils étaient trois. C'est dans quoi observation ? C'est dans observation. C'est dans la première colonne. Ouais, juste en dessous de sauter et au-dessus de arme de poing. C'est où arme de poing ? C'est deuxième colonne, en dessous d'observation et au-dessus de. Ok, moi ça passe, j'avais 60. N'hésitez pas à écrire vos résultats pour ceux qui le font pas, comme ça c'est plus clair et j'ai pas besoin de répéter à tout le monde. Moi je l'ai noté, j'ai fait 3 sur 50, j'ai vu ça. Merde. J'ai aussi mis sur mon personnage. Donc en réalité il y a Jess et William qui reconnaissent quelqu'un, c'est tout. J'ai cru qu'au sol c'était le jeu, j'ai pas compris. Évidemment qu'on le reconnaît, on a déjà fait la partie avec l'autre scénar. Alors, vous, en tout cas, vous deux, vous reconnaissez au sol trois personnes, disons, peu importantes, mais que vous avez déjà croisées, qui travaillent pour Frost, Patrick et tout ça. Clairement, des gars qui sont dans le coup. Ok. Est-ce qu'il y a une femme dans l'eau ? Alors non, il n'y a pas de femme. Et okay. Mais vous trouvez... Enfin, surtout toi, William. Tu trouves qu'il a l'air d'avoir roulé sous une table, sûrement dans un affrontement ou quelque chose comme ça. Ouais. Une batte de baseball. Oh. Oh. Le coquin. La batte de baseball que vous avez récupérée. Bon, je la ramasse. C'est pour je... Patrick. Attends. J'envoie un message à Patrick. Pourquoi il se serait séparé de sa batte comme ça ? C'est pour ça que je voulais contre tout le monde parce qu'il était vexé qu'on ait pris sa batte. Je lui envoie un message. Tu lui envoies un message. A priori, ça ne répond pas immédiatement. Moi, c'est normal. Enfin, il y a un peu de temps. Est-ce qu'il y a le. Tu m'autorises de récupérer sa batte ? Oui. Ok, oui, je vous passe un coup de fil. La batte à la main en mode. Allô, c'est bon, on les a coincés. Y a pas de baron, on est d'accord. Enfin. Non, mais il y a toujours l'accès pour le sous-sol. Hein. Il répond pas. Il ne répond pas. Pas grave, on continue. On a une mission. Ok. Ouais, mais s'il répond pas, c'est chelou aussi à se battre ici. Il était pas là-bas quand ça doit être des mecs qui sont morts pendant l'engueulade, tu sais. Comment... Oui, non, mais sa batte de baseball. Oui. Okay, il aurait difficilement laissé sa batte de baseball comme ça, tu vois. C'est sûr. Bon. Si jamais ils sont morts, il y a plus de mission. Hein. C'est pas faux. Ils peuvent pas être morts, de toute façon. Mais... Non, mais c'est. Non. On descend tout à l'heure. Donc là, en gros, c'est des. C'est des gens, enfin ceux qui sont morts sont des gens qui étaient là ce soir-là, mais c'est pas non plus des pontes, voilà. Non, on s'en bat les couilles, c'est des gens... Bah écoute, on va au sous-sol, hein, on va voir s'il y a l'autre. Ok, donc vous allez vers le sous-sol. Et ce sous-sol, c'est juste un escalier qui descend à une porte. Hein. Donc vous ouvrez la porte, et sans aucune transition ni quoi que ce soit, il y a à côté, il y a deux couchettes, il y a une table, ce genre de choses. Et le baron Samzi, accompagné d'un de ses collègues, que ceux qui l'ont déjà croisé reconnaissent, être Mike, le type qui avait participé à votre... Le connard fumeur. Est-ce premier, fume votre première mission dans le sous-sol, enfin dans le monde souterrain. Est-ce qu'il fume là ? Oui, il est en train de fumer aussi. Ah, comme d'hab. C'est bien lui. Et vous arrivez. Est-ce que vous faites quelque chose directement dès que vous arrivez, ou est-ce que vous... Où est Patrick ? Tu vois que il y a le baron vendre le baron samedi. Donc pour ceux qui n'ont pas croisé, d'ailleurs, faudrait que je le décrive. C'est moi. Le baron samedi, donc, et ce grand black habillé de manière presque gothique, non, avec des grosses rastas. Il a aussi un espèce de maquillage blanc sur le visage, comme pour dessiner un crâne sur son visage. Ah oui, je vois du coup. Effectivement, la photo correspond. Et il vous regarde et il. Figé alors qu'il est en train de jouer aux cartes. Et Patrick, où est-ce qu'il est? Oui. je sais pas. On a trouvé ça par êtes... terre. Ça te dit quelque chose? Oui, bah c'est son bâton. Bah ouais, mais normalement il le garde en fait. Attends, pas avec vous là ? Il y a trois mecs allongés là-haut, tu vas me dire que t'as rien entendu ? Il a l'air plutôt. Ah bah on a entendu des trucs, bien sûr. Vous êtes mais pas on n'allait pas monter. Mais lui, il se cache. Non, en imagine vrai, si c'était les... Comment vous savez que j'étais là? On est des amis, donc on voulait se cacher là aussi. Ah, donc vous êtes des amis? Bah bien sûr, on est des amis. Bah oui, mais on voulait se cacher là, en fait. Bah ouais, et puis on nous a dit, vu... bah écoutez, quitte à vous cacher... Autant aller dans le... Royal Ebi. Et on a vu ces trois mecs au sol avec la batte de Patrick, du coup on a voulu essayer de fouiller un petit peu, voir ce qu'il y avait, et on tombe sur toi. Et tu sais pas où il est? Non, enfin il y a eu du bruit en haut, il y a eu des tirs. Et tu sais pas où il est? Il y a eu l'air d'avoir de la bagarre, quelque chose comme ça. Et t'as pas vu Chipolatas depuis? Non plus, on sait jamais. Non. Non, pas de nouvelles de lui. Non, clairement. Mais vous êtes là juste pour vous planquer? Ah oui, très clairement. Oui. Vous avez pas ramené les flics par hasard? Les flics? Tu veux sortir pour voir si tu veux? Non, je suis bien ici. Eh ben nous aussi. Du coup, ce que j'aimerais faire, c'est d'essayer de discrètement interpeller peut-être Pat. Et qu'on essaye de séparer les deux, tu vois, de faire en sorte que Mike, il vienne avec nous. Et que du coup, on puisse se débarrasser d'eux, genre chacun de leur côté, parce que sinon... Ouais, c'est pas con. Il est pas bête, ce Thompson, en fait. En fait. Bah moi, je vais me diriger vers Mike, du coup. D'accord. Tu veux donc, Mike, lui aussi, il est assis à la table, hein, il est en train de jouer aux cartes, en train de fumer. Et il te regarde approcher, et il te... Est-ce que vous avez vos costumes de Redwood, là, pour le coup? Genre, vous avez mis vos casques? On les a pas mis, du coup, pour rentrer, on avait dit. Ouais. Du coup, moi, j'y ai pas touché. Très bien. Donc, vous avez pas mis vos casques, ok. Non, j'ai juste la batte. Il y a Mike, il fait... Et pendant que tu t'approches, Paz, il fait... Ah, mais je me souviens de toi. On était dans le train, ensemble. Ouais. Tu veux que je te prenne un verre? Si tu veux, on peut aller au bar, là où apparemment il n'y a personne, on peut aller se prendre un petit verre. Il n'y a personne du tout? Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Et moi, je viens aussi, et je leur dis, ah, salut, bah écoute, tiens, si vous allez boire un verre, je viens avec vous. Allez. Neuf, comme ça ne se refuse pas. Tu vois qu'il jette un coup d'œil au baron? Et le baron, tout simplement, vous regarde à vous, puis donne son approbation avec un hochement de tête. Ok, je m'assois à côté du baron. Soyez pas trop agressifs, les gars, pas encore. Non, mais là, nous, on s'en va. Mike se lève et Mike se lève et vous accompagne, Pat et Thompson. Donc, il vous accompagne. On y va tranquillement. Alors, quoi de neuf depuis? Je renvoie un message à Patrick. Pour l'instant, pas de réponse. Moi, je regarde l'épaule de geste en mode « Alors ?» Pas de réponse. Et Mike, tout simplement, vous dit « J'imagine que vous vous en doutez, mais c'est plutôt parti en couille derrière moi. » On a vu ça. Bah, on a les flics sur le cul. A priori, il va falloir qu'on reste marqué là pendant encore quelques mois. Avant que ça se calme, et après, on quittera la ville. Mais tu sais ce qui s'est passé, toi? A priori, il y a des types qui nous ont vendus. Des types qui Ouais, qui ont vendu l'affaire. Je pense que ça pourrait être Sirius, vu qu'il a disparu depuis quelque temps. Sirius? Mais Sirius... Oui, c'est le SDF. Mais Sirius, qu'est-ce qu'il savait de tout ça? Il savait rien de tout ça. C'est vrai qu'il savait pas grand-chose, Sirius. Bah oui, il était plus nubilé par Piccolé et ses histoires de fous que... Ouais, bah écoutez, je suis pas enquêteur, moi je pense que je pense. Hein. Ouais. Faut voir le bon côté des choses, n'empêche. On a à boire. Ouais. Donc, pendant que vous buvez, qui est resté en bas déjà? Moi. Jess, William et 22. Ouais. Là, c'est le dialogue, c'était en haut ou en bas? Oui, ça c'était en haut avec le garde du corps. Je vais lancer une réplique alors que je suis. On l'a entendu à travers les lattes. Ouais, Sirius, c'était pas... C'est en bas des escaliers, la grosse relou qui veut. Oui, donc là, vous êtes en bas, donc, avec 22, Jess, William et le baron. C'est Donc c'est à vous pour l'instant, vu que les autres sont en train de boire un coup. Ok. D'ailleurs, Baron, tu sais qu'on a croisé quelqu'un qui te recherchait ? Ouais, bah tout le monde me recherche en ce moment. Ouais, mais il était un peu particulier, genre il faisait 3 mètres et il avait une gueule de crocodile. Tu vois qu'il te regarde avec ses yeux. Tu vois qu'il essaye de savoir si tu déconnes, si tu... Il essaye de savoir. On rigole pas du tout à ce moment-là. Ah là, tout de suite, c'est impressionnant. Et vous avez croisé le croc. Attends, c'est un nom, cette merde. Oui, c'est un nom. Je sais pas, mais en tout cas, il te recherchait. Donc, nous, il nous a laissé vivre. Donc, je pense que... Et il voulait ta mort. Je sors la machette. D'accord, donc tu sors la machette. Il va croire que tu vénères le croc. Et il se lève. Non, mais en fait, quand je dis je sors la machette, je sais pas si t'as vu mon NT, mais je le bute directement après. Attends, on va tuer les gens en MP. Pourquoi t'envoies ça en MP? On est avec toi, enculé. Oui, c'est pas faux. Mais je voulais faire un autre effet de surprise, c'est pas grave. Non, sors la machette, genre en gros, en te jetant par-dessus la table pour lui traverser le crâne. Non, j'ai dit que j'étais à côté de lui. Hein, mais ça, je confirme, même si je devrais ne pas confirmer, parce que arrêter de tuer les gens en MP, ça me sert. D'accord, ok. Donc tu vas me faire un jet d'armes. Armes tranchantes? Arme tranchante. Ok. Putain, t'es sérieux? 22 sur 50, c'est parfait. C'est le jeu que je voulais. 22, très bien, c'est une réussite critique. Non. Non. Bah, 22. Donc, on va pas le faire à chaque fois, par contre. Non. Donc, simplement, bah, il a pas le temps de réagir. Et tout simplement, tu lui plantes la machette dans le crâne qui lui coupe son joli chapeau qui est d'un certain style. Voilà. Enfin, il est pas coupé. Il n'est pas coupé en deux, mais il est grand ouvert son chapeau, son triste chapeau. C'est le plus dommage. Maintenant, on peut aller chercher Mike. Et il s'étale sur la table. En faisant une espèce de gargouillis. Faudra interroger Mike sur les personnages. Non, il faut peut-être bourrer Mike et après on l'interroge. Ouais. Par contre, faut pas faire redescendre. De toute façon, là, dites-vous bien que vous venez de faire ça, nous on est absolument pas au courant de ce qui se passe en bas. J'essaie d'appeler Patrick, il nous faut une réponse. Hein. Et vous ne savez pas ce qui se passe en haut non plus. Donc, très bien. Donc, ceux qui sont en bas, vous remontez ou pas, du coup? Et est-ce que ceux qui sont en haut avaient prévu de le défoncer? Non, je reste en bas comme si on parlait encore avec le baron. Je voulais juste, comme Pat, de faire boire, essayer de soutirer un peu des infos, s'il en avait ou quoi, enfin des trucs comme ça. D'ailleurs, je pousse le temps au sol, enfin sur la table, c'est pas très charmant. Essayer de soutirer des infos si jamais il nous cachait des choses, mais de façon subtile, on va dire. D'accord, ok. Est-ce que tous ceux qui étaient en bas restent en bas? Moi, je pense qu'ils ils ont largement le temps de faire leur truc quand même. D'accord. Okay. Bon, vous allez monter de manière, ça ne va pas déranger plus que ça, mis à part si vous arrivez et que vous le découpez. Moi, j'ai juste une question. C'est. Comment 22 vient de littéralement égorger le mec, enfin, ou de trancher la tête d'un mec avec sa machette. Est-ce qu'il a du sang sur lui? Machette. Il a quand même eu un gentil petit jet. Parce que si je pointe devant avec une grosse gerbe de sang et que bien sûr il manque quelqu'un. T'es pas là pour parler. Oui, je sais, mais c'était ma question. De toute façon, on va pas tous monter parce que si tout le monde remonte sauf le baron, bon, bah comment on est cramé encore plus rapidement qu'avec du sang. Pour un couvert de sang, ouais. Bon, bref. Du coup, vous êtes en train de boire avec lui et dites-moi comment vous vous y prenez. Bah, déjà, moi je me sers des grands verres d'eau et lui je lui sers des grands verres de vodka simple. Oh, bah, il a l'air d'apprécier. Il a rien à dire contre ça. Faut le faire monter assez vite en alcool quoi. Enfin, en gros, on n'a pas beaucoup de temps, faut qu'il devienne vite ivre en fait. Tu fais un jeu à boire en mode pile, je bois, pile, c'est. Non. Faut niquer pour qu'il boit à tous les cas, tu fais genre... Non mais après je crois que de mémoire, il est plutôt alcoolique. C'est ça la blague. Après, de mémoire, On va jouer au jeu qui s'appelle si le baron meurt, tu bois. Je crois que de mémoire, il utilisait pas mal déjà de base, hein, je crois. Il n'y avait pas besoin de faire des jeux ou quoi que ce soit. C'est rigolo. Oui, oui, il a l'air bien porté sur la bouteille, cette. Ouais, ouais, oh, il me semble de mémoire, hein, c'était. La bouteille, la cigarette, tout. Ouais, enfin, voilà. Du coup, alors, il en est où de son état d'ébriété là? Ah ben, ça avance pas d'un coup comme ça sans. En gros, est-ce que dans le combien de temps il nous faudrait pour apprendre pour qu'il soit assez méché quoi? Je sais pas. Tu veux lui faire une prise de sang? En fait, ça prend environ 30 est-ce minutes. Est-ce qu'on fait un jet de dés pour savoir 30 minutes après, une heure Moi, en fait, j'aimerais surtout savoir comment vous amenez la discussion. Parce que si vous buvez juste en silence le plus total. Non. Après c'était des questions genre putain, c'est le foutoir. Considérons que ça fait un certain moment que vous avez commencé à boire. Enfin, en tout cas, que lui a commencé à boire. Donc après oui, les discussions c'était surtout c'est foutoir, là ça, on cavale dans tous les sens pour un peu essayer d'avoir des informations sur ce qui s'est passé et qui aurait pu balancer les infos. Ça fait quand même plaisir de tomber sur vous, au moins des têtes. Qu'on connaît quoi, tu vois, essayer d'être assez mielleux, assez sympa et en même temps d'essayer de gratter s'il a pas un truc à qui le cacherait quoi. T'essayes de donner le sujet comme ça, peut-être que Pat rajoute 2-3 trucs aussi de temps en temps. Ouais, je mets des petits commentaires, des trucs. Oui, mais a priori, en tout cas, pour ce qui est du chaos actuel, il est même pas au courant qu'il y a un chaos actuel, hein, qu'il y a des problèmes, tout ça. Clairement, il a pas l'air d'avoir quitté la pièce depuis un moment et de pas avoir eu contact avec l'extérieur. Ouais. Après, pour ce qui est de l'affaire du trafic pour lequel il est recherché, lui et le baron, a priori, lui, il avait toujours été au courant de ce qu'il y avait dans les boîtes. C'est-à-dire des enfants. Ouais. Mais... il n'en sait pas plus que ça. Enfin, disons que c'était un rouage dans la machine. Et il te donne même l'information que s'il est actuellement là avec le baron, c'est surtout que tous les autres se sont tirés, ce qui lui a permis d'avoir une sacrée promotion. Ah, d'accord. D'accord. Et justement, je profite du truc, hein, qu'on commence un peu à... Il commence à être bien et tout. Je dis, ouais, du coup, comme t'es proche du baron, tu sais pas si il aurait été approché par Martha. Martha ? Martha. Je sais plus son nom. J'ai plus retenu pareil, mais Martha. Il fait Martia... Falcon. Falcon. La nièce. Non, je pense pas. Non, j'ai entendu parler d'elle hein, quand elle est arrivée en ville. Mais bon... Okay. Pas plus que non, ça, a priori, j'ai pas croisé. T'as pas plus de choses. Ok. Bon. Oui. Bah écoute, en gros, il sait rien quoi. Enfin, il sert à que dalle. Lui. Non, il est au courant de rien a priori. Ouais. Et ben écoute, moi du coup, je mets un petit coup de coude à Pat pour essayer de lui faire comprendre que bon, en gros, il ne servira à rien qu'on peut s'en débarrasser quoi. S'il veut se faire plaisir ou s'il a une façon qui veut tester quelque chose. On fait le clean de masse, c'est chaud. Donc est-ce que tu réagis, Pat? Oui, oui. Wow, c'est super chelou. Pat il parle, mais je le vois ton micro coupé. Ouais, c'est bizarre. Moi je l'ai entendu comme il faut, je crois que c'est un de chez toi. Hein. Ah oui, non, mais je l'ai entendu, mais je voyais son micro coupé pendant qu'il parlait. Ouais, moi aussi, ah, c'est bizarre. C'est parce qu'il est derrière toi. C'est le Batman. C'est le non, Batman. Batman. C'est le Batman. Batman. Très bien, donc bon, alors, comment vous vous occupez de lui? Bah je sais pas, du coup là je me suis dit est-ce que Pat il veut faire un serial punch, hypercut style. Non, j'ai une idée. Bon, allez, on va peut-être aller rejoindre les autres, hein, et je le laisse passer devant dans les escaliers. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bah je te laisse passer, je le laisse passer devant aussi. Je me mets derrière. Ok, non, vous le raccompagnez en bas, quoi. Non, non. J'attends quoi qu'il soit dans les escaliers devant moi. Ah, d'accord. Pas besoin d'expliquer ce qui va se passer après, je crois. Bon, après, les escaliers, ils sont hauts ou il y a trois marches? Parce que c'est juste genre... Non, il y a quand même une descente certaine. D'accord. Et donc, j'imagine que tu le balances en bas des escaliers. Je lui mets un gigantesque coup de pied spartan dans le dos. Et moi, qui vais de lutte juste pour le plaisir. C'est pas des arts martiaux? Le gigantesque coup de pied spartan dans les omoplates. Ah oui, bon, bah, arts martiaux. Fais-le virevolter à travers le vent. Ouais, tu lui fais un bonus. Bon, y a pas besoin. Bon, j'ai déjà un bon score en arts martiaux. Je fais 11. Et quand il aura donné son coup, je crie très fort. S'il y a une livraison pour vous. Très bien. Bon, ben... ce qui se passe donc, c'est que vous êtes en bas et vous entendez « Il y a une livraison pour vous !» Et vous voyez un gars qui s'éclate juste devant, genre à l'entrée, la porte est encore ouverte, il vient de tomber par terre. Enfin, il ouvre la porte. Il tombe par terre et vous voyez que son crâne s'ouvre sur le cou. A priori, il a fait quelques roulades dans l'escalier aussi. Et vous le voyez au sol en train de... en plein spasme. Okay. Et alors, par... comment ça s'appelle coup de batte de baseball, hein. Non, pas un bonjour. Jess. Allez, vas-y, Jess, t'arrives avec la batte de baseball. Moi qui n'ai jamais réellement frappé un personnage de cette campagne. Il est déjà en train de mourir là, c'est bon. Oui, voilà. Mais... la batte de Patrick. Très bien. Je fous des vieux coups. D'accord, donc tu fous un grand coup pour essayer de faire un martiaux. Non, pas un martiaux, non, plutôt. Arme de poing. Pourquoi? Arme de poing, c'est non. Clairement, là, te dit, parce clairement, il n'y a pas besoin de G parce que. Enfin, je te spasme, mais il est sur place, quoi. Okay. Donc, tu donnes un grand coup de batte de baseball pour qu'il arrête de bouger. Notre joke, j'ai lancé les dés pour voir combien j'aurais fait. J'aurais fait 22. Très bien. Ah ouais, c'est le chiffre de la mort. Et donc, tu lui ouvres le crâne plus qu'il ne l'était déjà. Et après encore deux ou trois coups de spasme, il s'arrête. Il bouge plus. Oh, par gentillesse, elle l'a achevé. Oh, c'est bon. Je m'arrête. Et j'envoie un message à Patrick. Putain, trop drôle. Oh, putain. Faut que je te raconte. William, toi, tu comprends plus parce que tu vois Jess qui s'acharne sur un corps avec une batte de baseball. MJ. Par romance personnelle, je vais lui mettre une clope dans la bouche. D'accord, très bien. Moi, j'enjambe les gens et je pars. Mais bien sûr, côté inversé, alors, faut pas être méchant non plus. Je reviens quand même vers... je redescends quand même. J'aurais aimé voir si... Est-ce que dans la cave, il y aurait un accès pour les égouts? Mais arrête avec tes égouts. Est-ce qu'il y aurait un accès pour les égouts? Observation. C'est 42 sur 52. Très bien. C'est une cave comme toutes les autres. Ah, donc, merde. Donc il n'y a pas de passage secret vers les égouts. Eh ben, écoute, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer le chapeau du baron. Et le quoi je récupère le chapeau du baron et un bijou distinctif qui fait en sorte qu'on sait que c'est lui, quoi, tu vois. Ah, c'est pas bête ça, oui. D'accord, donc tu prends son chapeau qui est à moitié destroy, et un de ses colliers où il y avait un de ses petits crânes en argent. Voilà. Et qui est reconnaissable. Voilà. Tu marqueras de la part de Gros Gigot dessus. Voilà, ce sera la... voilà, je mettrai un mot de la part de Gros Gigot. Et je le ferai de envoyer dans les égouts. De la part du gang Gros Gigot. Voilà. Bisous. Bisous. Très bien. Et toujours pas de réponse de Patrick ? Toujours pas de réponse de Patrick. Merde. Donc maintenant il nous reste deux personnes à trouver. Donc c'est Chipo et, la, et Marcia. Il est quelle heure ? Il est quelle heure à ce moment-là ? Il doit être quelque chose comme 22h10, 20. N'empêche, je... j'ai des gros doutes sur... 22h30 plutôt. En vrai, je veux bien continuer à buter les gens, de toute façon, on a besoin de les buter, mais c'est un peu inquiétant pour Patrick. Et Frost, on a essayé de le contacter. Il était avec Patrick en dernier. Frost, on n'a pas essayé, non. Bah, c'est Frost, parce qu'il était avec Patrick quand il nous avait appelé tout à l'heure. J'envoie un message à Frost. Très bien, t'envoies un message à Frost. Je te dirai s'il y a une réponse à un moment ou à un autre. Ok. Je ne te répondrai jamais. Mais quelle méthode. Ok, ok. Donc, vous êtes toujours dans ce My Alibi avec ce... ces gentils corps. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me sers à l'air et je leur dis, les gars, on n'a aucune info pour les deux autres ou je me trompe? On n'a bien aucune info. Moi, je proposerais de nous rendre à l'adresse où on aurait dû nous rendre à un moment donné. Peut-être qu'on pourrait trouver un indice quelconque qui pourrait nous mener. Bah, l'adresse qu'elle nous avait donnée, Marcia, où il y avait déjà eu... où il s'était déjà passé quelque chose. Là, la fameuse adresse où on n'a pas pu se rendre. Enfin, où aussi on s'est rendu, je sais plus. Je vois pas de quoi tu parles, mais... L'adresse qu'elle vous a envoyée par SMS juste avant que vous vous fassiez enlever. D'accord. Mis à part Jess. Wishnote, en fait. Non, c'est vrai que c'est pas bête. Puisque c'est la seule vraie chose qu'on a pour l'instant. Non, mais oui, c'est un bon piste, je suis d'accord. Voilà. Alors sinon, soit il y a ça, soit il y a le fameux hôtel qu'on a récupéré où il y avait son bureau. C'était pas le truc nul ou genre le bureau est au milieu nulle part. Bah c'était ça avait fini en maison de passe presque avec son étage là. Ah oui oui c'était... Ça m'étonnerait qu'elle. Enfin après c'est toujours pour avoir des indices hein. On le trouvera peut-être pas mais c'est voilà. Mais bon pour l'instant d'aller à l'adresse où on n'a pas pu se rendre et voir si on voit quelque chose d'intéressant. Non mais je suis d'accord. Très bien. Les autres sont d'accord ? Ils sont pas là. Ils sont partis. Ils sont déjà en voiture. Très bien. Donc vous partez pour l'adresse qu'on vous a donnée, qui est toujours dans la partie plutôt pauvre de Gotham, hein, dans la fameuse Founders Island, où vous avez passé la plus grande partie de votre aventure, de votre carrière. Et de la vie, tout simplement. Ouais. Oui, de votre vie, pour ceux qui sont de Gotham. Pas forcément, je suis de Gotham, mais pourtant, dans l'histoire. Non, mais aussi... Et vous vous rendez à cette adresse qui est dans le vieux Gotham. Mais le vieux Gotham est connu pour être un des endroits quand même les plus pourris. Ah, je confirme, j'y habite. Genre, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'y aller... Ça peut avoir l'air sympa au début parce que c'est le vieux Gotham, il y a toutes les bases de la ville, quoi. Il y a les architectures sympathiques, genre un peu architecture gothique, ce genre de choses. Mais rapidement, une fois qu'on a fait quelques pas dedans, on se rend compte qu'à chaque ruelle, il y a plein de tentes, il y a plein de... Il y a des espèces de baraques en planches qui sont mises entre chaque ruelle, ce genre de choses. C'est clairement devenu le bidonville placé dans un quartier à architecture gothique. Bon, à ce moment-là, je vais peut-être avoir quelques infos, comme j'ai une certaine réputation ici. Il y a peut-être moyen que j'ai des infos avec des gens si on en a besoin. Je préviens. D'accord, donc tu les préviens. Okay. Bon, a priori, les gens ont l'air plus intéressés d'abord d'aller à l'adresse. Et... Oui, non, mais au cas où, on peut demander aux gens autour s'il n'y a pas là, simplement. Et vous arrivez à cette adresse qui est un des bâtiments normaux de la ville, c'est pas une des cabanes dégueulasses. Même si ça a l'air en plutôt mauvais état tout de même. Le bâtiment a l'air d'avoir été à l'abandon un certain temps. Et vous arrivez, vous ouvrez la porte sans aucun problème, vous arrivez en sautant ou je sais pas. Quelle est votre approche ? Bah, pour moi, pour ma part, sur la défensive quand même, parce qu'on sait jamais. Ouais, sur la défensive, disons que alerte quoi. Ouais, c'est ça, alerte. Enfin, moi j'ai le flingue sur de toute façon, on a Old Gotham, il risque pas. D'accord. C'est pas ça qui va gêner quelqu'un. Oui, non, ils ont l'habitude de voir des mitrailleuses entre les mains des gars, hein, Old Gotham. Ouais, on est d'accord. Bon, les gens ils se baladent avec des calaches. Ouais, en fait, c'est le mec bizarre, c'est celui qui n'a rien, quoi. Oui, c'est ça. S'il n'a rien, c'est Bagdad. On est à Bagdad, en fait. On n'est pas à Gotham. Et donc, bon, vous arrivez sur vos gardes. Et à peine entré, d'ailleurs, la porte est complètement fracturée. Hein. Mm-hmm. À peine entré, vous vous rendez compte que l'endroit est sans du dessous. Ça a été fouillé dans tous les sens. Sûrement par des hommes de Frost, depuis que Jess avait donné l'adresse pendant votre disparition. Ouais. Et est-ce que vous... Et a priori, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, écoute, il faudrait essayer de jeter un œil parmi le bordel et voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait attirer notre attention. Attention. Ouais. Je vois. Faire de l'observation, quoi. Si vous souhaitez y jeter... pour ceux qui fouillent un peu ou qui essaient de trouver quelque chose qui pourrait être intéressant... Je vous demande simplement un jet d'observation. Pour la forme. Ouais, pour la forme. 45 sur 52. 33 sur 50. 65. Je pense que c'est un échec. Moi, je réussis sans problème. Oui, échec. Très bien. Et Pat ? Pat, il mange j'ai réussi. Un sandwich au pâté. Donc, vous fouillez un certain temps, qui prend quand même vraiment un certain temps. Vous êtes arrivé, il devait être presque 23h. À présent, il doit être quelque chose comme 23h40, 23h50. Ta merde, on a que 2 heures encore. Putain. Et... 22, Thompson et Pat, après avoir fouillé vraiment en profondeur, tandis que William et Jess ont commencé à abandonner peu à peu, vous avez trouvé quelques affaires qui avaient l'air d'être à Martia, parce que la plupart des affaires avaient l'air d'être juste des trucs que les SDF avaient laissés en passant, ce genre de choses. Vous avez l'air d'avoir trouvé quelques affaires, une valise où il y avait... où il y avait des habits, hein, que vous reconnaissez être à Martia parce qu'elle avait une certaine habitude d'habits chic. Ah, ça a fait un bagou. Et hors de prix. Ouais. Mmh. Ouais. Et non loin. Alors ça, je vais faire ça. On va faire ça au dé. Non loin, Pat, tu trouves le fameux crâne décoratif. Oh, putain. Qu'il y avait dans le coffre-fort de Martia, dans son hôtel. C'est ce crâne qui était en pierre noire avec des dents en pierre précieuse, on va dire, même s'ils avaient l'air d'être en toc. Et en l'observant de plus près, tu te rends compte que plus qu'être décoratif, ça a l'air d'être une boîte. Genre la mâchoire inférieure est en réalité que le socle et tu peux soulever. Bonjour. Tu l'ouvres et à l'intérieur, Il y a quelques notes et ce genre de choses où il y a l'air d'avoir des trucs de compte et ce genre de choses. Mais il y a aussi une note qui a l'air plus intéressante car il y a une adresse. Moi, je veux analyser les trucs de compte, voir s'il y a des trucs louches ou intéressants à relever. Je montre ça à tout le monde et il faut y aller. Très bien. Je vais te demander un jet en comptabilité, William. Frost n'a pas répondu. Frost n'a pas répondu. Est-ce qu'on peut faire en sorte de aller à l'adresse pendant ce temps-là, William, que pendant qu'on ira à l'adresse, regarde les comptes et en même temps, Jess appelle Frost. Comme ça, on gagne du temps. Vous vous mettez en mouvement. Paz, oui, voilà, tu as dit que tu faisais quelque chose avec ta adresse ou c'est quoi? Tu avais dit que tu faisais quelque chose. Bah, je dis, il faut y aller. Ah, très bien. Bon, William, avec ton 4, bon, vous êtes en train de voyager là, vous allez à l'adresse. Oui, voilà, comme ça on gagne du temps. William, pendant que tu regardes ces papiers, tu vois que ça a l'air d'être un espèce de mélange entre des comptes pour l'argent classique qu'elle a grâce à son hôtel. Mais il a l'air aussi d'avoir énormément de notes, beaucoup plus que pour son business officiel. De compte par rapport à ses activités illégales dont vous êtes parti. Tu reconnais d'ailleurs qu'à certains moments où elle parle de la somme tout simplement qu'elle doit vous donner de temps en temps, ce genre de choses. Tu vois que à plusieurs occasions elle avait soustrait un certain nombre d'argent à votre paye. Salope. D'ailleurs, ouais, sûrement une bonne moitié chacun. Hein. Oh mais la salope. Raison de plus de la buter. Et tu vois que ouais, elle se faisait quand même une part bien conséquente grâce à tout simplement au nouveau marché de la drogue qu'elle avait eu grâce à vous et votre attaque de la Maison Rouge. Connasse. Ouais. Pas de fonds à détourner, ce genre de truc. Pas de placement lourd. Il n'y a pas un petit compte perdu dans un truc étranger qu'on pourrait récupérer après sa mort. fais-moi un jet de chance et je te donne un bonus. Mais je te dis pas de combien, parce que je suis pas gentil. Un jet de chance. C'est sur 20. Attends, il me semble. Je sais pas où est mon D20. Ça te va si je lance un D6? Non. Ah. Bon, je vais chercher mon D20 alors. Votre richesse en dépend. Ou ta richesse, après tout, tu n'es pas obligé de le dire. Mais attends, mais il n'y a pas un seul débat maintenant. Ah si, quand même. Enfin, on me dire, mais... C'était chaud. Et t'as, a priori, t'as 10 en chance. Ouais, donc j'ai une chance sur 2. De manière... pas littérale, bien entendu, mais... en termes de probabilité, je suis censé avoir une chance sur 2. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, un petit débat. Ça passe. C'est pas incroyable, mais... Combien tu as eu? Ah, 8. Eh bien, tu vois qu'il y a l'air d'avoir des traces d'un certain compte au Panama. Putain, ça m'appelle aussi. Et tu penses peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et bah je préviens du coup nos amis en voiture que cette salope se prenait une grosse part sur nos salaires tranquilles et qu'il y a un moyen que je puisse nous rembourser après sa mort. Bah, parfait. Ça c'est mon petit William que j'aime. Ah oui. Le comptable. Là. C'est là que tu prends toute ta valeur, William. Tu vois, avant cette session, tu ne servais à rien. Non. On a tous à un moment donné notre moment. Et ouais. Là, c'est ton moment. Pour ce qui est de l'appel de Frost pour Jess, ça ne répond pas. Ça sonne occupé. Du coup, là, l'adresse nous amène où, en fait? Parce que là, on part et on sait pas où on va. Attendez. J'ai dit ça sonne occupé, mais je veux dire ça ne répond pas. Désolé. Enfin, ça sonne dans le vide, quoi. Ok. Et du coup, on va vers où? ça nous emmène où? Eh bien, ça vous amène toujours dans Founders Island, mais dans le quartier un peu plus acceptable de Founders Island, qui est plus ou moins vers là où est le MyAlibi et ce genre de choses. Ok. Enfin, dans le quartier du MyAlibi. Et toujours, ça a l'air d'être un bâtiment qui a l'air assez grand, mais pas. Disons que ça a l'air d'avoir été un bâtiment qui était sûrement administratif, quelque chose comme ça, et qui a été réutilisé pour être un espèce d'hôtel de passage ou un truc comme ça. Un peu miteux. D'accord. D'accord. Alors là, pour le coup, quand on arrive devant, je prends énormément de précautions. Parce ouais, que là, clairement, c'est une adresse où il n'y a que elle en soi qui est censée savoir qu'elle est là. Mais pourquoi elle a mis une adresse ici, en fait, d'ailleurs? Mais non, mais elle a caché. Je pense que c'est sa safe zone, quoi. C'est un peu l'endroit. Ouais, pourquoi elle a pas emmené, c'est ça la question. Ou si jamais il y a un souci, elle peut se cacher par là, tu vois. Donc je pense que là, elle doit être tranchée avec des gardes ou quelque chose, tu vois. Ça va être un peu plus sécure, quoi. Donc il va falloir faire gaffe, là, je pense. Et elle a les moyens de se défendre, quand même. Très bien. Donc, vous rentrez dans cet hôtel, j'imagine, pas en Redwood? Non. Il faut le Redwood, c'est le moment où on tue, parce que avant c'est trop. Très bien. Donc, vous entrez dans cet hôtel un peu miteux, et à l'entrée, vous avez une espèce de vieux papy qui est derrière son comptoir, qui vous accueille. Oh, bonjour! Vous voulez une chambre? Si vous avez faim, il y a un distributeur, là, à côté. Ah oui, alors... Et si vous cherchez des plaisirs plus exotiques, j'ai mon petit-fils à l'arrière qui vend 2-3 produits. Il m'a fait peur d'un coup, là. S'il y a mon petit-fils à l'arrière, pardon. Moi, je t'aurais pensé quoi? Mais quelle bande de dégénérés vous êtes. c'est plus des plaisirs exotiques, là, c'est des plaisirs... c'est super trippant, le mec qui propose ça, tu vois. Un truc exotique, bon, j'ai mon petit fils à l'arrière, quoi. Bon, ça va aller. Jess, c'est pour toi. Bon, vous voulez une chose, alors? Est-ce qu'on peut prendre une chambre voisine à celle-là par hasard? Genre, est-ce qu'il y en a une de libre? Alors, il n'y a pas de chambre sur l'adresse que vous avez eue. Hein. Ah merde, ok. C'est juste l'adresse du bâtiment. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut avoir la clé de toutes les chambres? Quelle est votre meilleure chambre? Eh bien, je peux vous donner notre seconde meilleure chambre, parce que la première est occupée. Mais et la seconde est aussi bien que la première? C'est discutable, mais je vous dirais que oui. Écoutez, il y a moyen qu'on ait elle est à côté, je suppose voir. Que elle est à côté de la première. Enfin, je parle au MJ. Enfin, je sais pas non, moi. Non, tu donnes au mec. Tu parles au mec, hein, tu parles au mec. Ouais, enfin bon, ça va faire bizarre de dire. Et votre seconde, mais est-ce qu'elle est à côté de la plus belle chambre? Juste te dire. Bah, t'en sais rien. Oui, si tu me demandes à moi en tant que MJ, il va falloir que t'ailles regarder les chambres. Ou alors tu demandes au mec en mode ah ouais, bah doit être à côté. Enfin, genre, ouais, la question est. Ouais, alors je vais tourner la phrase genre, est-ce qu'elle est assez à l'écart? Enfin, on est plus non, c'est discret bien, quoi. Ah oui, nos meilleures chambres sont à l'étage, tout simplement. D'accord. Bon, bah c'est parti les gens, on peut faire une grosse partouze, parce qu'on est combien là-dedans? Non mais laissez tomber, c'est une réunion d'entreprise à la police. C'est ouais, la réunion d'entreprise, trop. Avec un mec taché de sang, tu sais. Attends, on est en costard, bon lui il est chelou. Mais et nous, et là je regarde Jess, et là je regarde Jess et tu vas prendre cher. Oh mon dieu. Faut pas faire ça. Non, donc vous voulez cette chambre, c'est ça? Oui. La seconde. Oui, je pense, ouais. Vous êtes là pour le business ou vous fuyez la police? Business, il n'y a pas la police occupée. Business, business, on veut juste être tranquille. Tu vois qu'il jette un petit coup d'œil à 22, il fait oui, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, ça va. Malgré ce que laisse penser son apparence, il est plutôt sage comme type. Est-ce que vous voulez la sécurité police ou pas? Non, ça va. Non. Bon, de la discrétion. Très bien, donc si on me demande, je vous ai vu. Oui. Vous savez quoi? Oui, c'est rigolo. Très bien. D'ailleurs, MJ, est-ce qu'il y a genre le panneau des clés derrière? Oui, il y a le panneau des clés. Il y a combien d'occupés? Il y en a 3. 3 d'occupés, ok. Sur une dizaine. Je tente de mémoriser les nombres. Les numéros des chambres. Ouais, le numéro des chambres. Alors, c'est la 1, la 5 et la 9. C'est vraiment de le retenir. Sinon, c'est de la triche. Ah non, il marque. Et nous, il nous donne la 2. Et nous, il nous donne la 2. Exactement, il vous donne la 2. Une 5, 9. Retiens la tête. C'est ça. Une 5, 9. C'est beaucoup plus drôle. Du fait, j'essaie de retenir. Essaye. J'ai supprimé le message. Enfin, non, attendez, non. C'est pas logique. Il vous donne la 10. C'est pas parce que sinon, c'est pas logique. La 2, c'est au rez-de-chaussée. Ah oui, d'accord. Non, mais après, oui, c'est oui. La logique veut que la... Plus on s'éloigne et plus c'est le chiffre est élevé, quoi. Oui, c'est ça. Il vous donne la 10. Attends, mais okay. Si elles sont à côté, il y a la 9, ça veut dire qu'elle serait dans la 8. Mais la 8, ça veut dire que la 9 est la meilleure chambre, alors? Non, parce que la 9 est occupée. Oui, mais il dit la deuxième meilleure chambre, il nous donne. Donc ça veut dire que la 9 est la meilleure chambre. Et pas la 10. À part ouais. Si elle a la protection police, et du coup, il dit pas qu'elle est... Bah non, il y a la clé derrière, je suis bête. Les clés, ils changent de place, en mode... il nous a dit que la meilleure chambre était prise, et on a demandé la deuxième meilleure chambre. Oui. Non, mais c'est logique, écoute. Que la 9 est la meilleure chambre. Donc. Mais oui, mais si ça prouve, elle prend plus de place, la porte est avant, et du coup c'est la 9 et la 10 elle est après, quoi. Non, comme c'est ça. Non, moi ça ne paraît pas si on peut. Je change des clés. Non, mais ça va. Enfin. Bon, merci beaucoup et. On paiera en partant. Qu'est-ce qu'il y a? Amusez-vous bien. Merci. Bon, du coup, j'imagine que vous montez. Oui. Vous y allez tous? Ouais. Bien sûr, on a réservé notre chambre. Pourquoi il y en a un qui reste en bas? Non, mais sait-on jamais, écoute. Si jamais. Là, il est en train de nous faire un coup de Trafalgar. C'est un livre de personnes pour ça, tu sais. Genre, il va faire. Tilit! Allô? Il y a des gens qui montent. Vous ferez gaffe. Non, ça pue le... Attends, il y a combien d'étages dans ce truc? Un seul? Ah oui, d'accord, oui, tu peux sauter par la fenêtre pour prendre ton risque. Non, il faut quand même se... Enfin, il y a rez-de-chaussée et étages. Je reste comme depuis le début, hein, je reste quand même sur mes gardes. Hein. Je vais tous vous demander un jet d'écoute pendant que vous montez l'escalier. Ok. Attends, j'ai 50, je crois. Moi, après, je me proposerais de crocheter la porte. Je suis pas mal en crochetage, si je me trompe pas. Ouais, normalement, c'est moi le meilleur en crochetage. Oui, c'est un peu. Moi, je me proposais. Écoute, c'est. Oh je sais pas où c'est. Ok. 35 sur 65. Putain, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Ok, non, mais finalement, prêt... j'ai pas l'impression d'énormément de chaud. Vous êtes prêts? Oh, merde. Tu peux couper ton micro carrément alors. Ouais, Thompson, je vais te demander de. Ah non, toi tu peux pas bouger, c'est ça? Non, mais attends, si tu veux, je le mets sourd si tu veux. Ouais, mets-le sourd pour l'instant. Bon bah, Thompson, je te mets sourd. En fait. Ouais, alors les gens n'entendront pas ce que vous dites. Oui, non, c'est tout, c'est pas grave, ce sera le moment. Bon. Oui, c'est vrai que du coup, les gens. Ah putain, mais c'est relou. Thompson, tu fous la merde. Alors attends, est-ce que si tu veux pas retirer ton casque? Non, si tu veux, je retire mon casque, je le mets loin, et tu m'envoies un message et je le remettrai, d'accord? Je te fais ça, je t'enverrai un message privé, c'est mieux pour les gens. Y'a pas de soucis. Vous êtes compliqués. Ouais, ils sont chiants à filmer les trucs, les gens. Très bien. Bon, je considère qu'il ne nous entend plus. Ouais, ça a l'air. Donc, pour ceux qui ont réussi leur jet, oui. vous entendez que en bas, a priori, le vieil homme a l'air de passer un coup de fil directement après que vous soyez monté. On se dépêche, genre on court. Oui. Et je vais juste demander à Thompson, quand il reviendra, que quelqu'un lui dise d'arriver. En privé, comme prévu, t'inquiète pas, je suis en train de vous envoyer le message. Et bon, pour éviter qu'il ait à bouger, je vous demandais de switcher sur un autre salon, mais très rapidement. Je vous rappelle vite fait. Dans la seconde. Bon, voilà. Très bien. Allez, dégagez tous. Eh, vous venez. Dégagez tous, allez. Tout le monde dehors. Voilà, Thompson. Ouais. Pendant que tu montes les escaliers, tu entends, venant du guichet où il y a l'air d'avoir eu le levier, un fusil en train d'être chargé. Oh merde. Mais okay. Étrangement, pour toi, ça a l'air de sonner comme un bon gros flingue. Genre, c'est pas juste le petit revolver. C'est genre limite le gros fusil de chasse. C'est de l'arme lourde, enfin de gros calibre, quoi. Oui, voilà. Oui, quelque chose de gros. Ok. Très bien. D'accord. Bon, je vais faire signe aux autres. D'accord. Oui. Oui. Vous pouvez revenir. Oui, normalement, ils doivent revenir. Jess, tout ça. Très bien. Donc on s'est mis d'accord, on descend tous et en fait on va tuer le monstre qui est dans le lac à côté. Et après on revient. Ah mais on a continué de jouer sans tout en fait. Du coup quand on est en train de monter, moi j'interpelle les gars et je leur dis faites attention, je crois que j'ai entendu qu'on chargeait une arme, je pense que c'est un gros calibre et ça doit venir du vieux là, faites gaffe. Non, je suis stressé, je sors mon flingue. Ta gueule. Il en passé un coup de fil. Nous, on doit aller vite là-bas et à la limite. Mais vous avez pas entendu ? Mais moi, je suis persuadé que j'ai entendu qu'il chargeait un flingue. Ok. Alors, écoute, est-ce qu'on peut se dépêcher et à la limite, on s'en bat les couilles. Il y en a un qui descend, le reste, on se dépêche à la chambre avant que ça ouais, fasse trop mal. Je vais aller m'acheter à bouffer et je vous attends dans le véhicule. Je sais même pas dans quoi on se déplace. Mais voilà. À la limite, quoi, tu descends pas, tu fais gaffe, hein, parce que je pense qu'il est. T'inquiète. De toute façon, il est armé, il sait se battre. Et nous, on se dépêche avant que l'autre soit prévenu. Très bien. Donc, Pat, tu redescends. Et bon, quand tu redescends, le type, tout simplement, est toujours à son, enfin derrière son. Putain, j'ai perdu le mot maintenant. Comptoir. Derrière son comptoir, merci. Toujours derrière son comptoir et il te regarde avec un petit sourire pour dire, oui, ça va bien, ça, bien, oui. Ce genre de choses. Et là, il a un paquet de chips et ça fait. C'est quand tu pètes un paquet. Il ouvre, il fait péter le sac, le plaquet de chiffres. Pendant ce temps, donc, vous qui êtes en haut, du coup, c'est vrai que peut-être que la meuf est armée. Mais... Vous foncez vers la chambre. J'ai oublié le numéro déjà. Personnellement, je fonce pas, je marche après. Non. Oui. Alors la 10, la 9. 9, c'est la 9, c'est la meilleure. Donc vous allez vers la 9. Oui. Eh bien, est-ce que vous essayez d'ouvrir, qu'est-ce que vous faites? Bah, à mon avis, vu la situation, Thompson, soit tu crochettes ça en 5 secondes, soit on la défonce à coup de pied. Bah écoute, je vais essayer de la crocheter, hein. Parfois, faut bien utiliser les compétences. Si t'échoues, on défonce la porte avec ta tête. Enfoiré. Ouais, c'est crochetage, c'est ça? Ouais. Alors, attends, c'est où? C'est dans... Enfin, c'est serrurier, il me semble, dans cette version. Ouais, j'ai ou serrure, quelque chose comme ça. Serrurier, ouais, 60. Bon, on va me faire un 98, hein. Saleté, ouais. Pendant ce temps, je dévalise le distributeur. T'es en train de tout vider, le mec il te regarde avec des yeux incroyables. Mais hey, on est 5, hein. C'est bon. Nickel. Très bien. Donc tu prends quand même un petit moment pour déverrouiller tout ça, et la porte s'ouvre d'elle-même, comme si c'est le genre de porte qui est mal mise dans ses gonds, et dès qu'elle n'est pas fermée à clé, ça s'ouvre. Genre de porte pas très bonne. On rentre, arme à la main, et... Vous entrez. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que... Vous entrez et vous avez... Enfin, vous entrez arme à la main. Et vous avez Marcia Falcon qui est assise sur son lit, un revolver à la main. Je suis sûr. D'ailleurs, c'est quoi l'ordre de rentrée? Justement, c'est Paul Edward qui rentre en premier. Bah, moi, je viens de... J'ai crocheté, alors à savoir... Je considère que vous vous êtes engouffré. En même temps. Oui, vous vous êtes engouffré. Vous êtes tous dans la pièce. Elle est là avec un revolver à la main, mais elle a l'air plus... paralysé que prête à tirer. Ok. Parfait. Et elle est seule. Et... Oui, elle est seule. Et complètement sans voix. Je m'approche en pas chassé et je m'assois à côté d'elle du lit. Je prends lentement son arme. Tu sais, avec des gestes très doux. J'ai vu ça dans un film une fois, ça devait marcher. Et là, elle te tire une balle dans le pied. Alors, prends le risque, mais... tu t'approches et tu vois qu'elle recule un peu sur son propre lit, mais une fois que tu t'assois, elle se... C'est tout doux, hein. Je vais pas en mode... Oui. Pas l'arme en plus sur elle ou quoi. Je... Oui, c'est, je veux dire, quand je dis qu'elle recule, c'est elle saute pas sur l'autre lit. C'est ça. C'est... Elle a juste un mouvement de recul et après tu lui prends délicatement le flingue dans les mains. Et elle te regarde et puis elle commence à regarder d'autres et il fait... Qu'est-ce que vous faites là? Bah tu nous as demandé de venir, non? Mais je vous ai pas donné l'adresse. Écoute, vous êtes pas venu. Mais vous êtes pas mort, mais je... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? C'est ça qu'on veut savoir. On est passé, c'était le foutoir chez toi. Mais pendant que vous étiez pas là, on avait une réunion, il y a des types, ils ont flingué tout le monde. J'ai réussi à partir, enfin... j'ai réussi à faire penser que j'étais personne et je suis parti. Et je vous ai donné l'adresse ensuite de là où je voulais vous retrouver pour que vous m'aidiez. Vous n'êtes pas venu. Et alors j'ai dû partir. Qu'est-ce que tu voulais? Et comment vous m'avez retrouvé? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? L'adresse à l'endroit de la fusillade. J'ai laissé l'adresse. On l'a retrouvé dans ton crâne. Dans le crâne en... Ouais. Vous voyez que Ed vient pâle. Elle fait « J'avais laissé le crâne. J'avais laissé le crâne, je pourrais être morte. Oui. » Ah oui, t'as de la chance. T'as de la chance que je suis tombé sur nous. Non, tu n'es pas de la chance. Et quand je dis ça, je mets une petite pichenette sur la joue. Et moi, je lui dis avec ironie, bon, elle le sait pas, mais t'as de la chance que ce soit tombé sur nous. Non mais cette ironie-là, elle peut pas la comprendre. Dis-le normalement. Non, non mais moi, ça c'est pour le reste du groupe, c'est pour vous que je dis ça. Mais oui, totalement, nous on la comprend. Non mais t'as quand même de la chance que ce soit nous qui ait trouvé le crâne, hein, parce que c'était le bordel. Hein. Ouais. J'étais sûr de l'avoir pris. En ce moment, pourquoi tu voulais nous voir? C'était quoi le but de la... Mais vous êtes les derniers, ils sont tous morts. Non mais la... Il y a plus personne qui m'obéit, vous êtes les derniers. Non mais la rencontre qui où tu t'es fait attaquer là, c'était pour quoi? C'était pour la suite des opérations quoi, enfin c'était pour... Et ben c'était quoi la suite? C'est ça que je te demande, tu voulais qu'on fasse quoi? La suite c'était... Et pourquoi? C'est plus d'actualité maintenant, vous comprenez pas, on est les derniers, il y a tout le monde qui va vouloir nous tuer. On essaye de comprendre pourquoi ils auraient attaqué, donc peut-être qu'ils savent des choses. J'aurais pas dû venir, j'aurais dû continuer à faire des shootings photos en Italie. C'est la seule chose, c'est que voilà, ils sont venus, peut-être qu'ils ont eu vent de ce que tu préparais, donc c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu préparais. Étendre le réseau, prendre plus de gars, vendre plus de drogue. Mais il y a des gens qui t'ont contacté? Non, ils sont tous morts. Avant que ça arrive, avant que tu qu'il y ait cette histoire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté? Alex, c'est lui, c'est Alex. C'est Alex qui nous a vendu. Faut que vous le retrouviez et que vous le butez. Ouais, alors oui. Moi je suis d'accord, je mets ça sur ma liste des gens à buter. Ouais, moi aussi. Tu sais, je sors la liste, il y a son nom juste au-dessus. On s'occupera de lui en temps voulu. Après, je veux juste savoir si est-ce que t'as été contacté par d'autres personnes avant que tout ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont proposé des deals, est-ce qu'il y a des informations, des choses comme ça? Non. Je... Personne, enfin je m'en souviens pas. Vous voyez qu'elle a un espèce de regard dans le vide, où elle voit des choses que vous voyez pas, vous. Écoute, moi, ce que je te propose, tu vas dans la salle de bain, pour te rincer un peu la figure, et après on voit comment on se débrouille. Ouais, je la lève un peu, tu sais, je l'aide à se lever, quoi, tu sais, je la prends par les sous les bras, et en mode gentillet, je l'accompagne jusqu'à la petite salle de bain. Je suppose qu'elle est où. Oui, tu l'accompagnes, et pendant que tu l'accompagnes, il dit « Vous allez pas me laisser, hein, vous allez pas... » Non, on a toujours été fidèles à vous, on le restera. Vous savez, si vous restez avec moi, on peut toujours remonter, je veux dire. Vous inquiétez pas. Débarbouillez-vous, vous allez voir, quand vous sortez de la salle de bain, on sera toujours là. Et si je mens, eh ben je le jure sur ma tête, tu vois. Genre si je mens... vous êtes toujours ceux avec qui j'ai eu le plus confiance, je vous le promets. C'est gentil. Et puis après, et tu la pousses, et avant que tu fermes la porte, elle fait je dois vous avouer que je vous ai pris de l'argent. Ouais, j'ai remarqué, j'ai vu les livres de compte, t'inquiète pas, y'a pas de problème. On se remboursera ça avec les autres. Je vous le rendrai. Ouais, on en reparlera plus tard. Avant qu'elle ferme la salle de bain, y'a pas de fenêtre. Non, y'a pas de fenêtre. Ok, je vérifie quand même. Et je laisse fermer du coup. Très bien, donc la porte est fermée. Donc, normalement, à part si elle part par la cuvette, et ça va être difficile, elle peut pas s'enfuir. Écoute, alors du coup, pendant qu'elle se débarbouille, on peut discuter discrètement. Et du coup, moi je leur pose la question, dire qu'est-ce que vous voulez faire avec elle? On met les masques et on la tue. Oui, je suis d'accord. La question, alors, c'est qui battu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre les masques pour la tuer? C'est le symbolisme du Redwood qui se rebelle contre cette pute. Au fait, vous avez vu Shining? C'est les derrière la porte. Non. Moi, en vrai, si vous voulez, je m'en occupe pas. J'ouvre la porte pendant qu'elle est dans le bain. Par contre, je demandais une faveur pour une fois. Je la déteste. Elle m'a insulté tout le long de quand j'étais là. Est-ce que vous pouvez me la laisser, s'il vous plaît? Mais en même temps, tu as tué le baron. Tu n'as pas tué tout le monde, hein. Non, mais quand même. Et là, non, dans sa tête. Tué alors qu'il est tout manipulable, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui gratter un peu d'argent, déjà? Non mais on s'en fout là. Non mais il a le. On n'a pas le temps, les filles vont arriver. Il a le compte machin là. Moi je pense que William, il faut que tu le fasses, il faut que tu t'endurcisses un petit peu. Ok. Et du coup je vais mettre mon masque et. Et moi je sors de la pièce, je sors de la chambre carrément. De toute façon, depuis qu'il y a eu cet enculé de croc là. Moi, c'est pas devenir un gangster. D'accord. Non. William, tu mets ton masque? Oui, je mets mon masque. Très bien. Je précise que quand elle était dans la salle de bain, après, elle a fermé le loquet derrière elle. Oui, non, mais on s'en doute. Mais après, elle est pas censée y rester. Elle est censée se débarbouiller. Hein, pas prendre un bain complet intégral. Voilà. C'est vous l'entendez prendre son bain. Elle se met à vous parler relax. Voilà, je prends une chaise du coup, et genre je m'assois, je pose la chaise du coup en face de la porte à quelques mètres même, et je m'assois et je l'attends aux jambes croisées. D'accord, bon bah vous entendez toujours son lavabo qui coule. Ah putain, en mode. Mon chrono, et si dans 2 minutes elle sort pas, je défonce la porte parce que ça serait trop suspect. Très bien. Mais normalement il n'y avait pas de fenêtre. Non, mais normalement, elle sent quand même qu'elle est pas, en danger. Sinon, elle t'aurait pas donné le flingue déjà, rien du tout, tu vois. Enfin, ce serait quand même bizarre qu'une personne qui sent qu'elle est. Le lavabo continue à couler. Est-ce qu'il y a des bruits de mouvement d'eau? Est-ce que je peux faire un test d'observation, voir ce que j'entends que ça. Ou d'écouter? Un jet d'écouter. J'observe. Oh, le cochon, l'observe. Il glisse son oeil dans. Mais non, mais elle se débarbouille, elle prend pas un bain, putain. Écoutez, c'est où? Putain, je tourne jamais. C'est sûrement dans la première colonne. Oui, ah oui. Bon, de toute façon, j'ai parlé qu'observation en fait, en même, et c'est une petite réussite. Mais c'est une réussite quand même. C'est quand tu veux, hein, Discord. C'est vraiment quand tu veux, Discord. Bon. Bon, bah écoute, tu veux pas envoyer de message, donc je te le dis à l'oral. Parce que, ouais. 47 sur. Mais voilà, mais enculé, troll-moi. Là. Très bien. Bon, bah du coup, tu t'écoutes, tu tends l'oreille et tu entends que oui, de temps en temps, il y a des mouvements dans. Et Esme aussi à parler aussi un petit moment. Elle dit Vous m'en voulez pas trop, hein? Pour l'argent. Non, enfin, vu la merde que c'est actuellement, c'est clairement le coup de crasse le moins pire qu'on aurait pu vivre. Ouais. Y a pas Pat avec vous? Non. Patrick, Descard. Elle a besoin d'une figure paternelle rassurante. Je suis cette figure maternelle. Paternelle. Il mange des chips à la machine en bas. Il est mort? Aucune idée. C'est de ça que tu voulais. C'est de ça que tu voulais parler, 22? De quoi? Oui. Quand tu m'avais envoyé un message. Oui, c'est ça. Juste avant que je me fasse attaquer. Ouais, c'est ça, je voulais faire. Faut faire. De quoi tu voulais me parler? C'était par rapport au gars qui est arrivé. Ouais, c'est quoi ce jet de dé en plein milieu de la phrase? Tu peux répéter, j'ai pas entendu, il y a eu du bruit par. Attends, mais qui a lancé les dés en vrai? Oui, c'est qui a lancé les dés? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est le MJ qui a lancé les dés. Il en rend de l'affaire évadée. Est-ce que sa voix s'éloigne quand elle parle? Non, ça s'éloigne pas. Je voulais la prévenir des gens qui arrivaient. Comment tu le savais? C'est vrai, comment tu savais, 22? C'était par rapport à notre, tu sais, celui qu'on voulait trahir, là, je sais plus comment il s'appelle, Patrick. Ah, oui. Tu sais, maintenant, on l'a tué, de toute façon. Ouais. Mais Patrick, il travaille pour nous, Patrick Descartes. Non, pas Patrick, là, ça. Non, mais pas lui. Vous êtes en train de vous tromper, là, de Patrick. C'est difficile, les prénoms. Bon, sortez de là, qu'on puisse discuter tranquillement, parce que c'est relou de parler fort à cause de l'eau. Comment vous saviez? Mais, je dit, on a trahi. Oui, on a trahi un ancien homme qui nous faisait chier, qui en plus de ça voulait être contre vous, ce qui est la raison pourquoi on l'a trahi. Quel rapport avec Pat 22? C'est pas Pat, c'est un autre Patrick. Tu m'as envoyé un message, tu disais que tu voulais dire quelque chose à propos de Pat. Merde, c'est vrai ça? Oui, je voulais toujours un message privé. Alors attends, mais si le joueur a oublié... Il dit que justement, que Pat s'est fait descendre lorsqu'on a trahi... Vas-y, merde. Je sais plus pourquoi je voulais le dire. Mais dis ça, on s'en bat les couilles. Oui, c'est vrai, Pat voulait nous trahir. Il faisait partie des gens qui voulaient nous trahir. Il voilà, dis ça, dis ça, dis ça. Il a essayé de nous tuer. Ouais. Vous êtes pas au courant? Alex était avec eux. Oui, Alex était avec eux. Ça commence à devenir. Vous pouvez sortir de là pour l'eau, tout ça? Bah, t'as mis du cyanure dans les croissants qu'il nous a offerts. C'est chiant de parler à travers une porte. D'ailleurs, William, toujours en train d'écouter avec ta fine oreille, oui. T'étais un peu intéressé par la discussion, mais je te rends compte qu'à présent, il n'y a plus aucun mouvement dans l'eau. Ok, je me lève et je défonce la porte à un gros coup de pied. Il va falloir faire un test de force, c'est ça, monsieur? Ouais. Force obligée, il n'y a pas une compétence à la place. Mais tu peux pas faire du crochetage, hein, genre pour déverrouiller l'eau? Non, mais du crochetage, je crois que. Non, force, allez, vas-y. 1 des 20, ça fait 9 chances sur 20. Mais ça passe, ça passe. 7 sur 9. Donc, bon, la porte n'est pas non plus explosée, mais normalement, je peux rentrer. D'accord, très bien. Donc, tu défonces la porte. Tu permets d'ouvrir la porte en défonçant un peu... tu fractures la porte, quoi, voilà. Tu fractures la porte, et t'es face à Marcia, qui est à moitié assise dans la... dans la baignoire, avec un autre flingue. Et eh ben je tire. À un moment, il faut que je survive. Fais-moi un jet d'armes de poing. Parce que je rappelle que j'ai le masque, donc là en termes d'amitié. Ah oui. Donc on va sûrement tirer, s'il te plaît, aussi. Ça passe. De peu. Putain, hey, je réussis tous mes jets de peu. À un moment, tu vas voir que le jet, je vais devoir faire pour survivre en mode est-ce que t'arrives à esquiver ta balle, je vais faire le gros échec sa mère. Et n'empêche, je réussis grâce au point que je me suis mis aujourd'hui, comme quoi le level up c'est utile. Très bien. Putain, pour une fois que ça donc, marche. Tu tires, elle tire. T'es touché, elle est touchée. Et elle s'enfonce dans la baignoire, mais elle est toujours consciente. Elle a juste été. Bon, en temps, j'ai pas vidé, hein. C'était genre j'ai vu une arme, j'ai tiré. Hein. Oui. Et toi aussi, tu tombes un peu en arrière sous le coup. Est-ce que par la douleur, j'arrive un peu à situer vers où je suis touché? Je suppose que quand tu prends de balle. Alors, t'es plutôt touché dans. Le cœur. Dans le flanc, mais de face. Dans le flanc, de face, et tu vois ce que je veux dire. T'es touché dans le cerveau, mais ça va. Non, t'es dans touché, le flanc, mais de face. T'es touché okay. Dans le gras. T'es touché dans le flanc. Je bah du coup, je ça pute. Et elle se met à hurler, tu es pas. Je est-ce qu'elle a toujours l'arme à la main du coup vu que. Alors elle l'a lâchée, mais dans la même baignoire où elle est, donc elle pourrait le rattraper très rapidement. Ok, bah du coup on va éviter les dialogues en mode je m'approche d'elle et tout, non, je retire du coup deux trois fois même s'il faut. Donc tu retires, refais-moi encore un G s'il te plaît, d'arme de poing. Mais mes PNJ ils sont toujours vénères. Voilà, on l'a sur Wigami, tu vas tirer dessus. Très bien. Tu retires un coup et cette fois-ci, t'as tiré bien dans la cage thoracique. Okay. Tu vois que elle s'allonge carrément dans la baignoire, tu ne la vois plus parce qu'elle est dans la baignoire. Je retire dans la baignoire. Enfin, genre, tu sais, en mode, je la traverse, mais non, ça me fait couille. Très bien. Je te demande pas encore en jeu, tu tires assez de fois pour que tu sois certain qu'elle soit morte, hein, j'imagine. J'évite de vider mon chargeur, mais ouais, c'est l'idée. De toute façon, au bout de quelques secondes dans l'eau, je pense qu'à un moment donné. D'accord, donc tu tires 2-3 fois dedans, tu t'arrêtes et il n'y a plus aucun bruit. Et par les trous que t'as fait dans la baignoire, tu vois qu'il y a du sang qui commence à couler. Ok. J'espère que si Pat entend les coups de feu actuellement, il viendrait l'idée de tuer le. De tuer carrément. Mais oui, mais attends, mais l'autre mec, c'est un vieux con, c'est rigolo de tuer. Bon, je pense que lui, il est plus opportuniste, il va pas chercher la merde. Comment ça, je suis devenu fou à cause de Pat? Pas du tout. Non, mais je pense qu'il a. Je passerai à Pat par la suite, ne vous inquiétez pas. Bah, du coup. Je regarde un peu les autres, moi je me tiens toujours là où j'ai mal, parce que j'ai mal. Je regarde les autres, et puis genre si personne réagit immédiatement, je vais aller voir moi-même si elle est morte. Bah, moi j'étais sorti de la pièce, moi déjà. Moi je vais m'occuper de William. Okay. Bah, accompagne-moi jusqu'à elle pour voir si elle est bien morte. Ok, je m'accompagne. Je m'accompagne. D'accord. Je m'accompagne. Donc, vous vous approchez et vous la voyez à... dans la baignoire, elle est pas morte, mais elle est en train d'agoniser, quoi. Elle est immobile. Okay, je lui prends son arme. Je lui crache un molar dessus. Oh, je lui carrément, prends son arme. Putain. Elle réagit même pas, tu vois, elle est en train de voir la mort. Ok, donc, à partir de là, à moins qu'elle soit championne du monde de Kung Fu, on a pas grand chose à craindre. Totalement, elle a essayé de se noyer, et je recrache dessus en mode sale pute, et on peut partir. Ça. J'envoie une photo à Patrick. Je mets son... Très bien, t'envoies une photo, c'est tout. Voilà. Pendant que t'as 15 messages sans réponse d'affilée. j'ai eu un petit moment où je me suis mon cerveau s'est déconnecté. Les flingues. Voilà. Ou elle est immobile dans la baignoire. Le flingue, il, c'est Jess qui l'a. Oui, ah, je l'ai ramassé. Vous l'avez pas abattu définitivement là. Pas encore. Là, elle est en train de mourir pendant que je crache des molars à la gueule. De toute façon, là, elle a la tête sous l'eau. Non, il n'y avait pas d'eau dans la baignoire. Ah, il n'y avait pas d'eau. Dis-moi, vite fait, là, quand je regarde, elle a des balles où dans le corps? Voir est-ce qu'il faut l'achever ou. Alors, elle en a une dans. C'était sûrement la première que tu as faite. Ouais. Et elle en a deux. Il en a deux dans le torse et la troisième, elle est dans la. Dans le cou, soit sur le côté du cou. Et elle est où la première? Elle est sa mère. La première dans l'épaule. Bon, allez, je vais la finir pour le lol. Enfin, genre. Je l'aime. Je te donne son flingue. Tu fais quoi? Je te donne son flingue. Oh, trop bien, c'est trop symbolique, j'adore. Non, mais, je te tue. Non, histoire de si jamais les gens ils avaient pas entendu, d'être sûr qu'ils aient entendu. Que... Non mais c'est ça, comme ça ils sont sûrs qu'il y a un coup de feu, tu vois. Mais sinon, t'aurais très bien pu demander à ton acolyte 22 de la trancher. Et c'est terminé. De toute façon, t'es pas là. Ah, y aller, ouais. T'es plus là. Ah, moi je suis plus là, oui. Très bien, du coup. Je mets juste, enfin genre là, on peut pas besoin de faire de. Déjà, un geste, ça fait le symbole symbolique ultime, c'est-à-dire que je prends son arme à feu à elle, je lui mets une balle dans la tête pour être sûr qu'elle se relèvera pas, et puis. Très bien, tu lui mets une balle dans la tête. Ça même, c'est une épidémie zombie. Exactement. Et vous repartez. Ou si c'est un vampire, tu vois, on sait jamais. Et vous repartez. Et je vais y aller à Pat. Et donc, moi, est-ce que j'ai entendu quelque chose déjà, parce que j'étais dans le couloir? Oui, tu as entendu des coups de feu. Alors, mais... Toi, si tu l'as pas entendu, personne n'a entendu. Mais pour l'instant, je passe à Pat. Je pose la question. Pat, toi, t'étais toujours en train de te servir masse et masse de nourriture dans le distributeur, comme à ton habitude. Mm-hmm. Et tu allais sûrement partir vers la voiture, comme je suis allé attendre dedans. Mais le vieil homme t'a interpellé. Et il a commencé à te parler tout simplement de la bouffe que tu avais dans les mains. Il disait mm-hmm. Vous avez beaucoup de nourriture quand même, où est-ce que vous partez avec tout ça? Sans vouloir être trop indiscret. C'est juste que ça, c'est quand même particulier de prendre une chambre et de s'enfuir avec tout le distributeur. Ah, mais moi je les attends pendant qu'ils font leur truc. Ah, vous n'êtes pas de ce genre-là? Non, parce que si vous voulez, ils font leur truc, leurs petites choses secrètes un peu dans leur coin, et puis il y en a quelques-uns, des fétiches un peu étranges, donc moi je reste dehors et je mange. Ah oui. Oui, non, mais. Bon, c'est habituel à Gotham City. Vous savez, si vous voulez, vous pourrez passer une adresse à vos amis. Hein. C'est un petit groupe dont j'ai entendu parler. De bouche à oreille. De bouche à bouche. Ça s'appelle, le gland de Satan. Attends, de bouche à bouche, le gland de Satan. Quoi, non, quoi, non, le gant de Satan. J'imagine qu'ils apprécieront. Oui. Ça leur fera plaisir. Oui, je leur dirai. Et là, soudainement, vous avez une grosse. Un tir. Enfin, plutôt deux tirs en même temps. Il te regarde. C'est un autre qui tousse pour essayer de couvrir le bruit. Et il te dit, vous êtes sûr que vous voulez pas la sécurité police? Non, vous inquiétez pas, ils ont juste des fétiches bizarres avec les feux d'artifice. Encore trois coups qui sont tirés. Ça les remue beaucoup dans notre jambe, quoi. Allô, allô. Oui, ouais, attends. Ok. D'accord, très bien. Puis, tu entends encore un dernier coup qui est tiré. Et il te regarde encore avec un regard insistant. Tu la veux vraiment pas, la sécurité? Non, mais... Après, ils vont peut-être se mettre des feux de bengale dans l'anus. Faut pas faire attention. Quoi? Bon, je vous laisse, moi. Vous inquiétez pas, ils payeront une caution, un truc. S'il est trop le mec. Ouais, bonne soirée. Je vais encore devoir nettoyer. Au revoir. C'est ça, je prépare les serpillères. Ils sont juste là. Bon allez, moi je vais les attendre à la camionnette du coup. C'est moi, ça, donc connais, tu veux... Moi j'en dû la prendre, la sécurité. C'était super bon. Non, en vrai, moi j'ai pas compris, je dis que c'est mieux de le buter. Donc, bah, en tout cas, vous redescendez ensuite, tandis que Pat attend dans la voiture. Donc moi, parce que... moi j'ai continué à descendre, je suis arrivé un peu avant les autres. Ah, hein. Est-ce que avant de descendre, il doit être quelque chose comme... Allez, on va dire qu'il est 1h. Ok, non, c'est non. Allez, je suis gentil, il est 23h40. Oh, moi ça, je descends. Le mec, ok, il est 12h de la table. Allez, hop. Je descends avant les non, autres. Non, attendez. Minuit, non? Oui, minuit 40. Ok, bon. J'ai confondu minuit avec 23h. J'imagine trop le mec qui va trop mal vous regarder descendre et il va voir William, genre, couvert de flotte et qui va avoir avec une tête totalement normale, genre. Je descends en avant les autres, donc là. Pat, lui, il est à la voiture, c'est ça? Il est parti à la voiture? Oui, il est à la voiture. Donc moi, j'arrive ensuite. Ouais. Je croise le type, donc est-ce que le type il me dit quelque chose ou pas? Il te regarde d'un air con. Ah, j'ai bugué. D'un air con. Ah, après, oui. D'un air complice. Je descends en boitant. Alors attends, parce que juste je voudrais juste, est-ce que j'aimerais aller voir le gars et juste par le plus grand des hasards, juste pour savoir. Vous inquiétez pas pour les bruits, c'est oui, oui, votre ami m'a dit ce que vous faisiez. Petites habitudes, oui, oui. Est-ce que vous auriez, par le plus grand des hasards, déjà vu cet homme? Et là, je lui montre si je peut-être pendant une soirée, j'aurais fait des photos d'un peu tout le monde. Chipo. Eh bien, si vous vous souvenez, il y a eu une occasion où vous aviez eu une photo pour la table. C'était Patrick qui vous l'avait envoyé en échange d'une photo de Marcia. Exactement. C'était une photo de Chipolatas qui sourit. C'est vrai. Et donc, je lui montre cette photo et je dis, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer cet homme? Imaginez-le qui fait la gueule. Il va pas le reconnaître. Ouais, s'il sourit, il va pas le reconnaître. Oh, mais on sait jamais. Tu vois, il le regarde. Il a un petit moment. Il fait... il me semble pas. Ou peut-être que lui... Ou peut-être qu'il a payé la sécurité. Vous en voulez une? Sécurité police? Non, mais on aimerait enlever la sienne. De quoi? On aimerait ôter la sienne. Ah, la sienne. De sécurité police, oui. Ah, viens, on va dire que... Payer le double d'une sécurité police peut en retirer une. On est riche, c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, on va payer tout ça, alors. Très bien. Donc, vous payez, vous alignez l'argent, vous avez... Mm-hmm. Vous avez parfaitement de quoi. Je mettrai sur Google que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Et après, il dit... remontrez-moi la photo. Et là, je retends le téléphone. S'il dit non, on l'éclate. S'il dit qu'il le connaît pas, on l'éclate. J'ai encore mon casque. Ah, j'ai bien peur de pas le connaître, désolé. Mon coup de batte de baseball. Oh mon dieu. Je lui expose tellement les dents. Tu le frappes vraiment? Oui. Tu le frappes ou pas? Franchement, ouais. Ou alors... Fais-moi un jet de... Le mec nous a fait sortir notre argent. Il nous a fait compter le doux machin pour nous dire... Mais en fait, non. Non, mais ou alors on aurait pu essayer de lui dire. C'est pas vraiment le cas, mais on va dire que c'est un jet d'arme. En considérant que c'est plutôt arme contendante. Mais voilà. Un jet de d'arme tranchante. Ok. Même si c'est à comprendre dans le sens. 21 sur 25, donc ça passe. Très bien, donc du coup, tu lui donnes un bon coup de batte de baseball. Bah ! Et il s'éclate les dents sur son comptoir. Et puis il roule sur le côté et il est par terre. Ok, moi, genre ramasse 2. Je vais le choper et je dis, écoute, est-ce que si tu veux pas qu'on te finisse, dis-nous où on pourrait trouver quelqu'un qui pourrait nous permettre de trouver cet homme. Attends 2 minutes. Tu nous a parfaitement compris. Attends, non, tu disais, tu peux répéter? Je disais, si tu veux pas qu'on t'éclate plus, dis-nous si tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider à trouver cet homme. Je sais pas, je... Tu vois qu'il a, il a son œil droit qui a l'air d'avoir un peu popé hors de son crâne. Là, je me tourne vers Jess, je dis, putain... tu vois que il est, c'est à la limite peut-être un mélange de douleur et de véritable cerveau qui s'arrête. Ouais. Et, je sais pas. J'ai cru qu'il allait me faire une. Bon bah je repose par terre. Je dis écoute Jess, amuse-toi bien. Oh non, je me barre, j'en ai marre. On va à la voiture, on a plus le temps les gars, il est trop tard. Très bien, donc vous on va laisser le gars qui nous a vu tranquille survivre. Je peux tirer lui une balle dans la tête si tu veux, on s'en fout. J'appelle 22, je dis finis-le. Juste avant que vous commenciez à faire autre chose, j'aimerais demander au dernier qui était encore dans la pièce où il y avait... Enfin dans la chambre de Martia quoi. Si il y en a certains qui ont essayé de fouiller un peu avant de partir ou vous partez en courant? Non, moi je suis parti en tout cas. Les derniers qui sont partis sont Jess et William. Non, Jess est parti avant. Bon. Non, il y avait que moi qui restais. Je suis parti en deuxième je crois, oui. Très bien, personne n'a fouillé donc très bien, d'accord. Moi c'est vrai que je suis blessé donc c'est pas ma priorité. Ouais, y'a aucun problème. Mais c'est juste temps, ça va. Du coup, ça me frustre, j'aimerais bien, mais en vrai, non, mon perso il vient se prendre une balle et pas mal de. Je me demande, c'est un objet. Est-ce qu'on s'en fout un peu de fouiller? Est-ce qu'on a vraiment le temps d'aller fouiller une pièce? Du coup, je regarde 22, je dis finis-le. Tu dis quoi? T'as coupé. Je dis à 22, finis-le. Ok, je sais. pour éviter que ce soit une fusillade, parce que déjà que bon, si on tire une balle au niveau du comptoir, je pense que même c'est dans la rue là qu'on va l'entendre de flinguer. Donc à 22 avec sa machette, il lui met et c'est terminé quoi. Ah oui, bah, et je vais à la voiture du coup. Très bien, bon, 22, tu finis le boulot bien gentiment. Moi aussi, je vais à la voiture. C'est j'obéis, je... 22, finis-le. Ok. Donc, bien à vous. Ben maintenant, on est comme des cons, parce qu'il nous reste Chippo et on sait pas où aller. J'appelle Chippo Latas. Est-ce que Chippo... Mais on a son numéro, du coup? Moi, je l'ai. Bah oui, ça, Patrick nous l'a donné. Mais pour l'instant, il répond pas à mes messages. Oui, et à cet appel non plus, il ne répond. Attends, moi je me dis, c'est possible qu'il soit exactement avec les Patrick et Frox actuellement. C'est-à-dire que si aucune personne ne répond... Depuis tout à l'heure, ils m'ont vu en train d'envoyer des photos de cadavres de tous les membres de la paire. S'il nous demande... Et qui à côté lui envoie des messages en mode, t'es où? Il nous a demandé de buter Chippo. Donc il peut pas avoir Chippo à côté de lui. Peut-être que Chippo le savait, du coup il se... Il s'est rebellé contre Frost. Putain, le boss final, c'est Chippo. On s'en bat les couilles, c'est pas ça. Ou alors, tout simplement, c'est Chippo. L'important, c'est que ça donnerait une explication de pourquoi... C'est Chippo qui a balancé, en fait. Ou alors, ça pourrait être Chippo qui a balancé. Ça pourrait être le traître. Hein. Bah, clairement. Enfin, je veux dire, c'est super bizarre qu'il réponde pas, etc. Sachant que... Il a su que Patrick avait une photo de lui qui souriait. Non, ça se tient pas. Non, contre, mais Patrick je et Frost, pense que... réessaye de les appeler là tout de suite pour voir ouais, si... Je réessaye, je rappelle Patrick. Tu réappelles Patrick et ça sonne dans le vide. Putain, je rappelle Frost. Et ça sonne dans le vide. J'appelle Patrick. Et ça sonne dans le vide. Je rappelle Patrick. Et ça sonne encore dans le vide. Putain. Est-ce qu'il y aurait moyen... Par des procédés de fou, de je sais pas comment. En fait, là, on est d'accord, on est en train de se barrer, on est en bagnole sur la route. De trouver un moyen de pouvoir tracer le téléphone. Je pense, de voir alors, où il est. Je pense, en vrai, si le MJ me connaît, Peut-être que parmi les contacts, tu sais, les genres de personnes un peu bien qui s'y connaissent, par contre vraiment, dans connaissance de la rue ou peut-être contact. Ah, il y a contact directement. C'est possible de voir si je peux pas connaître quelqu'un. Vu que moi, je suis de Gotham à la base, j'ai travaillé en compta, peut-être que je connais des mecs qui sont calés niveau informatique, tout ça. Genre qu'en comptabilité, on t'apprend plus l'informatique qu'autre chose. Mais... Pour trouver la position, pour trianguler la position de chez Gotham. Je vais te demander un geste. Et après, j'attendrai le retour de 22 avant de répondre. Je peux comprendre que soit qu'il y a un malus sur le jeu, soit que bon, le contact ne saura pas faire ça, tu sais, non plus en mode policier. Mais peut-être toi dire ah, il est dans telle zone, un truc genre, enfin, voilà. Peut-être un mec qui s'y connaît assez pour tracer. Google Maps, tout ça. Tu sais quoi, regarde sur le compte Google Plus, peut-être qu'il y a une photo récente ou un like. Mais moi, du coup, je vais aussi essayer de voir parmi mes contacts. Si jamais. Bon, bah, a priori, il n'y aurait pas besoin. J'y croyais pas, mais ça passe. Bon, bah, écoute, j'ai pas besoin. Enfin, je le jette quand même, histoire de. Hein, parmi mes contacts. Ouais, bah non, moi ça passait pas. Vous êtes toujours dans votre véhicule, sûrement que vous vous êtes arrêté quelque part à un endroit, mais vous êtes toujours dans le véhicule. Ouais. Tandis que William tente de trouver un contact qui pourrait tracer le numéro de Chipolatas. D'une main, j'essaie de faire pression sur ma blessure. Et genre faire un petit gars ou quoi, et de l'autre, je suis sur mon téléphone. Oui, d'ailleurs, si quelqu'un veut faire les premiers soins à William. Je l'avais pas déjà fait dans la chambre. Oui, je. Oui, mais on a dû oublier parce qu'on est rentré dans la. Ouais. Il n'y a pas eu de premiers soins. Je vais te demander le jet de premiers soins pour après, savoir. Si tu peux faire une réussite automatique. Ouais, on va dire que j'ai commencé vite fait là-bas et que je termine maintenant. Voilà, ouais, et ouais. Il y a un bonus. Mais qui veut survivre. Du coup, j'ai un bonus de 50. premier soin, c'est dans quoi? Alors, je sais pas si j'ai appelé ça premier soin ou pas. C'est ça. Médecine. Ah non, pas médecine. Non, médecine, c'est trop éloigné. Je suis sûr qu'il est nul. Non, si ça va, c'est pas mal. T'as combien? Moi j'ai 40. Hein. J'ai 40. Minutes tout seul. Ah, ouais, c'est médecine. J'ai pas mis de. Eh bien non, et en plus, tu oublies que seul on est fort. Non, ça en plus encore. Bon, allez, je vais t'aider. 8! Oui! Magnifique. Il retire la balle, il coule la plaie. Alors, elle s'occupe bien de toi. Elle va pas jusqu'à retirer la balle et Non, dommage. J'aspire la balle. Attends, elle retire même. Ouais, non, oui, je comprends qu'elle retire pas la balle, mais c'est vrai que du coup, faut penser à l'enlever avant que ça s'infecte et que je meurs. Mais... Ouais. T'inquiète, tu vas t'en sortir. La ligne droite. Si on est dans ma bagnole, si jamais il y a un truc, un médoc qui traîne, genre un antidouleur ou même je fais une connerie de la dope que j'avais mis de côté, qui serait dans la boîte à gants, je la prends et je lui. Non, pas... L'idée c'est pas qu'il soit défoncé, mais bon, ça peut faire antidouleur, un peu morphine, ça passe. Oui, tu fais en sorte qu'il soit. Ou même de l'anesthésie si j'en ai. Après, ça dépend des calibres, mais il y a moyen de laisser la balle tout dedans. Mais je sais pas avec quel calibre elle a. Si elle a pas éclaté et tout, ça va normalement. Et bah moi j'en sais rien. Ça fait stylé, ça laisse une cicatrice un peu guerrier, tout ça. Tu meurs du tétanos, mais. Mais non, mais si c'est pas infecté et tout, ça va. C'est vrai. Après, c'est une balle, hein. C'est un corps étranger de base, le corps il aime pas ça. Il est un peu nationaliste. Il aime pas trop les gens comme nous ici. Ouais. Du coup, comment je suis exactement, petit MJ? Eh bien, tu es capable de te déplacer, ça va te faire mal. Ok. Mais tu es capable de te déplacer. Ok, et du coup, pour mon téléphone, est-ce que j'ai trouvé un contact en ce moment? Eh bien, pour mon téléphone, tu peux recontacter un mec qui s'appelait Fred. Ouais, Fred, ouais. Avec que t'avais connu à l'époque où t'étais complètement dans le milieu du comptable. Ouais, mais lui, en plus, c'est un pote, je crois, de même au BTS, tout ça. Ouais, vous avez fait vos études ensemble. Ouais, il avait un camion. Genre, non. c'était le gros nerd qui quand il était pas en train de faire ce truc de comptable, passait sa vie dans son ordinateur. Vraiment dedans dans l'ordinateur à modifier ses machins. Totalement, ouais. Un gros geek. Ouais, voilà. On va se moquer de lui avec les amis. Ah, c'était pas tellement ton ami alors. Mais si, c'est un très bon pote, c'est juste. Et donc, tu tentes de le contacter, tu l'appelles? Ouais, je l'appelle. Les meilleurs potes, c'est ceux qui nous font nous sentir meilleurs. Justement. D'ailleurs, en parlant de ça, je l'avais quand je suis avec vous. La séquence émotion. J'ai mon téléphone à l'oreille, est-ce que ça... Très bien, donc tu le contactes, ça sonne un petit moment, hein. Même, un moment plutôt long. Et au moment où tu penses que ça va... Au moment où tu penses que c'est fini, simplement, il décroche. C'est... Allô, ouais, c'est qui? Ah, Fred, c'est moi, William. William? Ouais, William, tu sais, ton pote, là. Putain, on a bossé 3 ans dans la même boîte, le lycée, tout ça, des soirées pizza. Ah, oui, William, ouais, je crois que je te... Ouais, je pense que je... Ouais. Bah si, bon, bah quand t'as quitté QLA, forcément c'est perdu de vue, mais... Ouais, je bosse pour WinTech, moi, maintenant. Oh. Ouais, bon bah moi ils m'ont pas pris, ces enculés. Dis-moi, t'es toujours sur Gotham? Ouais, bah oui, bah je bosse pour, oui, si tu veux. Ouais, bon, c'est pour jamais, hein, je te signale que WinTech, ils ont des branches ailleurs, maintenant. Mais non, mais moi je suis pas avec les pauvres, hein. Je sais bien, t'as toujours été au-dessus. Ouais, mais tu peux faire vite là parce que j'ai une game. Ouais, dis-moi, ça te dérange si on passe chez toi genre 2 minutes, on a besoin d'un service. C'est pour savoir est-ce que t'es capable de avec un du bon téléphone ou quoi, pouvoir tracer à peu près où il est. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire qu'on a un ami actuellement qui a l'air d'être dans de beaux draps et impossible de savoir où il est, il répond pas sur son téléphone depuis des heures et bah, ça serait bien qu'on puisse le localiser quoi. Contacte la police, me fais pas chier. Bah, écoute, je sais que... Ah, attends, deux secondes, je réfléchis. Mais là, on est à côté de lui de toute façon quand il parle là. Non, oh, non, oui. Pas maintenant, je suis tout seul. Ah, okay. Vous êtes à côté mais il n'y a pas le haut-parleur. Non mais on dira, enfin, écoute, deviner s'il est un peu en délicatesse pour trouver une excuse, tu vois. La police, je suis pas trop ami avec elle dernièrement, ça, tu sais, il y a eu des histoires de corruption, tout ça, dans l'entreprise, là, pour l'instant c'est chaud, tu vois. Et ils sont en pleine enquête, donc je vais éviter de les contacter, surtout pour leur dire, hey, trouvez un numéro s'il vous plaît, et puis surtout, voilà, mon pote a des problèmes, ça regarde pas la police. Puis surtout, tu sais, si jamais t'aurais besoin, genre, d'argent pour payer ta facture internet ou quoi... Genre, ouais, et ce coup de pouce, il s'élèverait à combien? Attends, deux secondes, me sers maître du jeu. Oui. Ouh, la voix dans ma tête, là. C'était combien qu'on avait gagné à la base, dans le premier sac? Bah, 22, t'as donné le résultat, j'espère. C'était ça? Il me semble bien. $5,000? Non. Ah, non, c'était pas ça. 22, tu te souviens? Quelque chose comme ça. Le premier braquage, c'était 15 000. Ouais, je savais qu'il y avait un 5 dedans. Ouais, bah écoute, vu qu'on est d'accord, on a gagné plein d'argent entre temps. Oui. Ok. Et j'ai acheté... Attends, je vais faire les comptes vite fait dans la tête. J'ai acheté un costard et un... Allez, William, dépêche-toi. Oui, alors... Si je te propose... 7 500 $. 7 500. C'est même pas la moitié de ma paye. 15 000. Oh, le mec il fait la fine bouche alors qu'on lui donne 7 500 quoi. Bon allez, c'est parce que c'est toi. Bon, de toute manière, j'ai pas changé d'adresse. Tu sais où c'est. Au moins me la rappeler, parce que je sais pas si tu sais, ça fait des années qu'on s'était pas parlé. Ouais. Oh ben c'est là, c'est, ben, je pense que c'est à Street Golden Avenue. Ok. Je l'adopte. Je dois dire ouais, pour le mec à côté de moi en mode va là-bas. Ok, bah je te rendrai ça. T'inquiète pas. Avec ouais, on fait ça vite hein, parce que j'ai pas trop le temps. Ouais, t'inquiète pas. Enculé. Pardon. C'était notre façon de dire au revoir à l'époque, il comprendra. Et je raccroche. Ah, gros lard. Ok, Je vais sûrement le buter après ça, mais... De toute façon, faut pas laisser... J'ai jamais aimé les surnoms. Il m'a harcelé à l'école. Non mais, hey, écoute, c'est un connard de comptable. Et moi, je peux dire que les comptables, je les ai trop côtoyés. Ça me va. On est parents à la base. Bon, allez, vite, le temps presse. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on était. Ce qui compte, c'est ce qu'on est aujourd'hui, nos actes. Et aujourd'hui, je viens de tirer sur une meuf, elle est morte, ok? Ce qui compte, ce sont nos actes. Dumbledore. Exactement, il a raison. J'ai toujours kiffé Star Wars. J'ai toujours aimé Mary Poppins. Bon, allez. Très bien. Donc vous vous rendez à l'adresse, ouais. Vous stonez et rapidement. C'est un gars qui techniquement, physiquement, a l'air tout à fait commun. Okay. Alors c'est le tout le monde. Bah s'il ressemble à Fred Testo, ouais. J'ai pas très bien entendu ce que tu as dit, Pat. Moi non plus. J'ai dit oui, s'il ressemble à Fred Testo. Sûrement. Qui sait. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est une le personne. Le mec sur la photo que j'ai mis au-dessus. Ah. Ah. Ah oui, bah écoute, oui, ça passe. Oui. Ouais, allez, si tu veux. Il a un peu plus de barbe. Non. Ah, attends, il y en a une de lui plus barbu. Non, il faut lâcher. J'imagine que la plupart restent dans la voiture, parce que non plus, si on y arrive à 50 dans la maison avec des battes de baseball tachées de sang, machin. Jess, tu viens avec moi. Pardon ? Jess, tu viens avec moi. Oh putain, ouais, j'arrive. Bah, c'est toi qui as les numéros. Oui, et là, je rigole. Avec la batte de baseball ou pas, Jess ? Du coup, non, je la dépose soigneusement sur mon siège. Très bien, tu déposes soigneusement. Moi, j'ai deux flingues sur moi, mis dans le pantalon, tu vois, genre, jamais. Je lui passe ma veste pour pas qu'on voit ces traces de sang. Alors, avant toute chose, je vous indique que le voyage a duré un certain temps. Oh merde. Et vous savez que vous devez faire très vite si vous voulez être à 2h au rendez-vous. Ok, okay de toute façon, okay, on rentre, je pousse un peu en mode salut, tu sais, genre je lui fais un check, mais pour le pousser en même temps, tu vois, avec l'autre main, tu vois. Ça, mais il essaie de faire un check, tu fais prix. Genre, il est salut, je suis la mère de William, allez. Prépare ton... prépare ton PC. Non, la mère, ça marche pas, merde. J'ai plus un, mais trois numéros à te demander et je triple le prix que je te paye. Donc ça te fait quand même... Ouais, d'accord, ok. Mais vous voulez un café, hein? Non, on n'a pas le temps, Ouais, bon, bah, ouais, cool. Allez, je lui donne le numéro de Patrick. Toufik De Patrick. Patrick, localise-le. Non, commence par Chipo et après on fait Patrick et ce ça me stresser sinon. Trop tard. Non, Patrick, allez. Allez Patrick. Donc il part sur un Patrick. S'il n'y arrive pas, je lutte. Enfin, et il met un certain temps quand même. Vous êtes en train de regarder l'horloge là qui est au-dessus de la porte. Et vous dites allez. Allez putain. Putain. Ouais, je vais me faire un café. Je laisse le gaz ouvert. Non mais tellement mec. De toute façon, faut le buter parce qu'après il peut témoigner, tu vois. Donc, oui. Et là, il attend un moment et il fait je crois que j'ai quelque chose. Et puis, okay, qu'est-ce que tu as ? Ça aurait l'air d'un accident, il passerait vers le milieu de tout. J'ai cette adresse là. Alors, c'est tout flou, mais si vous voulez rapidement, je peux rien faire de plus près. Ouais, dis-nous quand vous c'est. Ça nous donne. Ouais, on arrivera peut-être à définir. Ouais. C'est dans ce petit pâté de maison là, près de Chinatown. Ok, un pâté de maison, c'est bien. Okay. Merci. Est-ce que le lieu nous rappelle quelque chose, l'adresse de quelqu'un ? Non, vous y avez jamais été. Ok, d'accord, super. Le nouveau, je lui donne celui de Chipolatas. Très bien, donc il se met au boulot. Pendant qu'il se met au boulot, il te demande, William, tu as tout cet argent ? Bien sûr que je l'ai, attends, tu me prends pour qui ? Pour un pauvre ? Ah ouais, non, mais on sait jamais dans quoi t'as pu tomber. Tu savais. Donc ça met encore un petit moment, vous regardez toujours l'heure qui passe. Moi je tends son café à William. Il est plus rapide que pour Patrick cette fois. Et il vous donne une adresse. Ok. Il vous dit, alors ça, c'est la dernière adresse connue. Parce qu'a priori, le téléphone est plus... Putain. Est plus reconnu depuis à peu près une demi-heure ou quelque chose comme ça. Ok. Vous remarquez qu'une demi-heure c'est plus ou moins quand vous êtes arrivé. Ouais, c'est assez rigolo ça. C'est quoi l'adresse ? C'est qui ? C'est quoi l'adresse ? C'est dans ce pâté de maison là, près de quelque chose. Ouais, ok, un peu. D'ailleurs, il y a l'adresse de Frost. Pendant qu'il cherchait, je demandais à Jess si le quartier qu'il avait visité, est-ce que ça correspondait ou pas à ce qu'il nous avait donné comme lieu de rendez-vous, à peu près. Ah oui. MJ, dis-moi, est-ce que ça correspondait avec le lieu de rendez-vous? Non, c'est un bord de la ville, le lieu de rendez-vous, non? C'est un pont, il me semble. Le point de rendez-vous que vous avez, c'est un pont qui mène à Blue. Ouais. Alors que là, il y a vraiment. C'est... Ok, donc ça correspond pas. Ouais, mais okay. Après, il peut très bien s'y rendre au moment à leur J, enfin. Ouais, mais il reste peu de temps et tu sais qu'il répond pas au téléphone. Et d'ailleurs, oui, Frost, du coup. Est-ce qu'on a. Et Frost, donc, alors, c'est celui-là où il met le moins de temps. Ah. Et il vous dit alors. Dernière position connue, c'est ici, là, pas loin de Chinatown, aussi pas loin du premier. Ok, ils doivent être ensemble. C'est même quasiment au même endroit, mais par contre, là aussi, ça, il y a plus de. L'appareil, il répond plus. Plus de signal. Ouais, l'appareil répond plus depuis un petit moment. Plus d'une demi-heure, par contre. D'accord. Ok, merci beaucoup. William, quelle heure il est là ? L'argent maintenant ou. Ouais, tout à fait. Attends, je le cherche et je sors mes deux guns du dos et je le bute. Putain. Arme de poing, s'il te plaît. Arme de poing. Et pour l'heure, j'avais marqué quoi dernière À la base, j'étais un mec innocent. Hein. C'est la session de merde qui a tout chamboulé. Et en fait, il était en live sur Twitch. Tellement, mec. Il était en train de faire un live. En fait, il est streamer. C'est ce dire, attends. Non, mais de Rocket League, c'est ça que tu es maintenant. Tu rigoles. Oh mais putain, ouais, d'accord, c'est chaud quoi. Et c'était à quelle heure le rendez-vous? 2h. Attends. Ah, est-ce qu'on favorise le rendez-vous? Est-ce que. Mais d'un côté, est-ce qu'on ignore Chipo et on va voir directement l'adresse de France? Ouais, je pense qu'on peut aller les voir, ouais. Parce que de toute façon, ouais. Ouais, mais si, non, si ça se trouve, ils ont été capturés par des criminels. Si c'est pour ça qu'on a peut-être pété leur téléphone. Ouais, mais si Chipo est la balance, Chipo il. Bah, il se tient peut-être là-bas, lui non plus, on entend plus son téléphone. Et Chipo il sait pas où on est, et il y a un risque effectivement qu'il soit loin à l'heure actuelle. Donc. Alors que. Bref, dans tous les cas, Patrick, on est sûr qu'il est là-bas. Par contre, Patrick, son téléphone est encore actif. Mais qu'est-ce qui te dit que. D'abord, est-ce que je le trouille et on en discute dans la voiture? Ouais. Bah, ouais, vous êtes attiré. Tu le tues, tout simplement. Nickel. Il tombe au sol. Nous, on vous attend à la voiture, de toute façon. Et tu vois qu'il était en Skype cam avec des gens qui te regardent. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, j'ai vite fait, je dis à Jess, vas-y, je te rejoins. Je regarde juste vite fait le niveau de son bureau, tout ça, parce que je sais que il vit largement là-dessus. En tout cas, à l'époque, il était comme ça, il était bordélique. Parce qu'il n'y a pas son portefeuille qui traîne au milieu du bureau, parce qu'il faisait souvent ça. Télécharge des films porno pédophiles. Comme ça, tout le monde le détestera et personne ne pensera à faire le lien avec eux. Pas le temps. Non, par contre, pour son portefeuille, tu vois, parce que quand on était au BTS ensemble. Je lui prêtais des thunes. Je m'invitais chez lui et je piquais dans son porte-monnaie quand il allait pisser, un peu comme ça. Ok, par contre, j'ai quand même allumé le gaz. S'il y avait le gaz chez lui. Ouais, bien sûr. Donc on peut supposer que la barre va sauter potentiellement, peut-être, je sais pas du tout. Et tu encore plus de monde. Bon, mais du coup, tu ne trouves pas le portefeuille et vous partez en. Oui, en vitesse. C'était vraiment genre rapidement avant de partir. Okay. Ça va être pas dérangeant. Vous partez en vitesse, vous rejoignez la bagnole. Alors, où est-ce que vous allez maintenant, du coup? Ok, les gars, on a... C'est le moment où il faut se mettre d'accord. On a trois infos. Ouais. Chipolatas, on sait où il est, son téléphone est plus actif depuis une demi-heure. Frost, on sait où il est, son téléphone n'est plus actif depuis beaucoup plus qu'une demi-heure. Et Patrick, on sait qu'il est pas loin de Frost, mais son téléphone est encore actif. Étant donné qu'il nous reste moins de 25 minutes, on vous propose de directement se rendre là où se trouvent Frost et Patrick, ils sont peut-être en danger. Non, en fait le truc c'est qu'ils ont lâché leur téléphone histoire de laisser aucune trace, c'est ça la logique. Patrick n'a pas lâché le sien. Ou alors il l'a mal détruit, s'il a essayé de le détruire. On termine le plan, on va là-bas, s'ils sont pas là-bas. Mais je suis pas d'accord. On sait que Patrick il a plus sa batte de baseball. Hein. Il répond pas depuis je sais pas combien d'heures, ouais. C'est quand même super étrange, je sais pas si vous vous situez un peu. Et Patrick n'a plus sa batte, si jamais il était en... Chipo, c'est pas le danger plus actuel. Ouais, au pire, on butera après. Ou alors, si c'est lui le traître, il sera peut-être avec eux. Après, c'est vous qui voyez, mais. Alors, Puis surtout, si c'est du traite, il a peut-être des protections. Je préfère perdre du temps et m'assurer que tout va bien de leur côté. Question pour le MJ. Entre les deux positions, donc en gros, on va supputer que Frost et Patrick, les positions sont proches, qui sont quasiment au même endroit. Et que Shippo, par rapport en distance, c'est combien? Il est pas du tout dans le même quartier du tout. Il est où? Shippo, la dernière fois qu'il a été identifié, ça ressemblait plus à... je l'ai même pas nommé ce quartier, c'est étrange. Mais au quartier qu'il y a tout en bas, là, la petite île en dessous de Founders Island. Ça va être beaucoup trop long le temps d'y aller, en vrai c'est... Donc c'est genre comme si c'était des docks quoi, des trucs comme ça, non? C'est ouais. Un endroit où... c'est une partie de la ville qui est quasiment à l'abandon. Ouais. Je pense qu'il s'y cache, hein. Et du coup on pourra le retrouver là-bas. Ou alors il va partir en bateau, un petit peu genre... Je préfère vérifier en vrai que Frost et Patrick vont bien, et limite perdre du temps et pas finir la mission. Et attends, question... Le lieu de rendez-vous normal qu'on avait avec normalement à 2h, il est où par rapport à tout ça là, dans la carte? Alors c'est le pont de Bloodhaven, enfin qui mène à Bloodhaven, et vous pouvez voir Bloodhaven en bas à droite. Donc c'est pas loin de Shippo en fait, c'est pas loin de Shippo là où il est. Alors c'est pas relié par un pont là où il est, ben oui. Parce que le pont vers Bloodhaven part de Founders Island. Oui voilà, donc c'est lui physiquement qui est le plus proche de Bloodhaven ça se vaut, hein, parce que Chinatown est en bas à gauche de Founders Island. Oui, totalement. C'est même plus proche, en fait. Hein, peut-être que c'est prévu dans leur plan, ça, on peut pas être. Parce que ils auraient pu prévenir que de pas les contacter ou quoi, alors que là... Patrick aurait pas abandonné Sabat. Bordel, vous vous rappelez ce qu'il nous a demandé de faire pour avoir Sabat? Ouais. Non, peut-être, on n'a pas pensé à ça, mais peut-être qu'il veut se faire passer pour mort. Et donc il a laissé sa bataille. Pourquoi se faire passer pour mort pour nous? Enfin genre, oui. Il nous prévient, on va se faire passer pour mort, n'essaie pas de nous contacter. Il le ferait pas sans nous prévenir, ça serait stupide. Laisse-moi me rassurer. C'est pour ça, mais moi je suis pas rassuré, et moi je me dis, putain, venez, on va acheter à Layton. Parce que vraiment... là, entre pour Chinatown, eux ils sont à Chinatown, Shippo est à... petit truc, et nous on doit aller à Bloodhaven. Non, parce que j'essaye de voir un peu le trajet que ça pourrait nous faire faire. Mais on va à Chinatown, et de toute façon je préfère largement leur sauver la vie s'ils ont un problème, plutôt que dire, ah bah vous avez vu, au moins on a fini la mission, et, ah, bah, vous êtes et, mort. Et nous on est où là? Nous, maintenant, là, tout de suite. On est du côté des riches, en haut. Oui, vous êtes tout en haut. Genre, vous êtes sur l'île... j'ai oublié son nom. De toute façon, même pour aller voir Shippo, si on le faisait, il faudrait quand même passer par Chinatown. Quasiment. De toute façon. Oui, donc, autant y aller. On peut passer par là. Sauf vos deux amis, quand même. Très moi, je les considère pas comme mes amis perso, mais voilà. Alors, Jess, j'imagine que tu conduis à toute vitesse. À tombeau ouvert. Bah, Jess, elle a fait des strikes, donc je pense qu'elle est bien. Ah ouais. Ah, attends, Jess, t'es là? Oui, bien sûr, je à toute vitesse. Très bien. Je vais juste te demander un petit jet de conduite comme ça. Oh putain. De toute façon, Jess, elle écrase des cyclistes, donc tout va bien. J'ai perdu mon dé. Ah, ils sont... Quoi? Non, j'ai posé un truc dessus. Non, elle écrase pas les cyclistes, Jess. Elle est... Si, elle écrase. Non. C'est l'autre qui est écrasé. C'est l'autre. 71, j'avais combien en conduite? 71. J'ai 75, ça passe! Yes! Oh, la vache. Très bien, donc vu l'heure, tu pars à toute vitesse à travers Gotham City. Tu passes par des espèces de chemins qui te semblent intuitivement plus rapides. Ouais. Je tourne à droite dans des escaliers. C'est ça, tu prends des Batmobiles, tu sais. Quoi? Tu prends des escaliers, il y a des passants qui s'écartent. Et des moments où vous êtes dans la voiture, vous pensez que vous alliez mourir. Vous avez tout des chips partout. C'est ça. Alors la bagnole elle va être dégueulasse après. Vous allez à toute vitesse, vous traversez le truc. Il y a des moments où vitesse, t'as pris des espèces de détours obligatoires parce qu'il y avait des flics qui étaient en train de passer. Mm-hmm. Donc ça vous ralentit plus ou moins, mais vous êtes toujours, vous êtes à fond. À fond au maximum. Enfin, toi t'es à fond, les autres ils sont sûrement un peu morts intérieurement. Et vous arrivez à destination. Et même avant que vous arriviez à destination, vous aviez, parce que vous voyez d'immenses fumées. Putain. Enfin d'immenses fumées, il y avait de la fumée quoi. Et quand vous arrivez en face de la, enfin dans le coin de l'adresse, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt flou comme adresse. Ouais. La première chose que vous remarquez dans ce pâté de maison près de Chinatown, c'est qu'il y a tout un bâtiment démoli, qui a l'air d'avoir été démoli très récemment. Putain. Ok. Genre, il est encore fumant. Je m'approche. Je vomis. Et il remange son vomi. Vous approchez en voiture? Non, je veux dire, oui, c'est vrai. Je sors dedans avec le qui roule sur l'écran. Non, mais je veux dire, vous vous mettez au plus près, quoi. Ouais, moi, je fais un, j'observe, je fais un test d'observation. Genre, non pas juste à côté non plus, mais oui, enfin, on va dire. Oui, pas à côté, parce que si ça explose ou quoi, on serait con. Je fais un test d'observation, moi. Et on va se rapprocher à pied. Moi, avec ma batte de baseball, et j'essaie de voir si je trouve pas la voiture de Patrick. Moi, je le fais dans la bagnole déjà. Moi je m'approche, je suis en mode théorisé, en mode putain, j'espère qu'ils sont pas dedans. 40 sur 52, ça passe. Très bien. Donc Thompson, tu observes, et tu vois que, bon, il y a quelques personnes dans la rue, parce que une explosion, ça, ou ce genre, ou un démolissement de bâtiment, ça attire un peu l'attention. Mais ça a l'air d'être des passants curieux ou terrorisés, des voisins apeurés. Mm-hmm. Plus que de la présence policière ou des gangs ou quoi que ce soit. D'accord. Bon bah du coup, oui, je sors de la bagnole et je me dirige vers les lieux. Donc vous sortez tous du véhicule pour aller observer? Oui, mais on y va rapidement, genre on tire plus vite. Est-ce que Pat, tu es en état de sortir? Je te conseille de rester dans la voiture, au cas où. Non, c'est bon, t'inquiète. Allez, donc vous approchez, pour ceux qui s'approchent. Et le bâtiment est... impossible à reconnaître, genre vraiment, c'est des blocs de pierre qui sont arrachés et tombés dans tous les sens. Je me tourne vers Jess et je lui dis appelle Patrick. J'appelle oui, Patrick. Oui, c'est très intelligent, ça va sonner. Dis-moi que ça sonne, putain. Pas en fait. Bon, j'ai pas eu la réponse de Jess, mais j'imagine qu'elle l'appelle. Oui, elle a dit oui. Tu bugs, mon petit MJ. Ah, d'accord. Ah, putain, c'est ton micro était désactivé. Non, donc, tu appelles et vous tendez l'oreille et vous entendez une petite sonnerie étouffée venant des débris. Oh putain! Et ben on s'approche, je m'approche de là où j'entends la. Moi j'y vais, genre limite en courant, on est sur c'est accessible ou c'est dangereux quand même? Alors ça a l'air relativement instable, mais a priori, c'est la chose. Il faut y aller, Patrick, Frost. Bah écoute, cas, William se jette dans les débris. Ah. pas littéralement, hein, pas. J'y vais sur la à tâtons quoi. Enfin, je fais attention à chaque fois que je pose le pied sur quelque chose histoire de pas passer au travers. Oui. Genre, moi j'y vais, mais je suis pas non plus à mode oh, de l'eau, je marche normal. Je suis Jésus quoi. Très bien. Bon, bah du coup, vous approchez, vous essayez de vous rapprocher au plus de la sonnerie pour enlever les bouts de pierre. Mmh. Vous commencez à sentir une petite odeur de viande cuite. Ah, moi, du coup, ça me ralentit là un peu. Ça me... Il y a aussi un moment où toi, Thompson, toi qui fais plus attention que tout là où tu marches, ouais. Il y a un moment où t'as l'air de taper dans un petit morceau de viande. D'accord. C'est un morceau de viande type main, pied, genre... Ouais, un morceau de viande de type humain. De type Big Mac. Et c'est proche de la sonnerie ou pas du tout? Je prends un coup de ça, tout à fait. C'est... Non, pas vraiment. Est-ce que moi, j'appelle Patrick et je me rapproche de la stannerie. Est-ce que je prends le temps d'observer, voir si c'est quelqu'un que j'arriverai peut-être à reconnaître, ou que je connais, ou je ne sais pas. Le morceau. Ah, c'est juste un morceau, il n'y a pas un corps qui va avec? Ah non, il n'y a pas le corps, il y a un morceau. Je d'accord, connais ouais. Cette main. Non, bon bah écoute, non, tant pis. Non, après, si c'est une main, il peut y avoir une bague que j'aurais pu voir. Oui, oui. Ouais, mais non, rien d'identifiable. Bon, bah, non, bah, alors, je continue. Et tandis que les autres sont en train de fouiller là où la sonnerie retentit, vous commencez à enlever les gravats et vous tombez sur un corps qui a l'air d'être en possession de ce téléphone. C'est qui? Genre, je retourne en mode Patrick. Alors, c'est assez difficile à savoir car sa tête est. Elle a été grandement amochée. Alors, je vais juste vous demander un jet de. Grandement amoché type. Observation. De type, c'est une personne qui a reçu un gros calibre dans le visage. Ah oh, putain. Ok. Observation, peut-être fouiller les poches ou quelque chose si c'était. Alors attendez, je regarde juste les capacités pour voir. Est-ce qu'on le connaît? Ah oui, non, c'est vrai que c'est. Oui. Crime organisé. Est-ce qu'il a un costard blanc? Non, il n'a pas de costard blanc. Ah non, c'est con, mais Frost, il est en costard blanc, ça serait. Ouais, mais après, faut voir si c'est pas amoché par le feu, les machins et tout ça. Un costard quoi. Noir et un costard blanc, tu vois la différence. Bon, on va dire que c'est observation, en effet. Putain, c'est horrible. 40 sur 52. Putain, je suis abonné au 40, moi. 3 sur 50. Très bien. Il y en a d'autres qui sont en train de... Ouais, je sais pas. Manger ou quoi? Mais c'est un jet de quoi, pardon, j'ai pas compris. Observation. Observation. Ah d'accord. Tu vois, ils ont commencé à parler de... Alors moi, je suis totalement en plein possession de mes moyens. Hein. Totalement. Ouais, mais là, je pense que t'es plus dans le stress. Tu viens de découvrir un corps, ça pas, sonne. Tout va bien, moi. Tu vois, genre... Oh non, c'est Patrick. Jeff, est-ce que toi, tu fais un G aussi? Oui, bien sûr. Ah, moi je serais putain, Patrick! Patrick! 39. Et là, moi je vais te dire, mais non, ça fait bien. C'est quoi déjà? C'est observation. Oui, 60, ça passe. Eh bien, pour ceux donc qui ont réussi, c'est-à-dire tout le monde, mis à part William. Je vais très bien! Vous observez ce corps avec ce qui n'a pas de visage, hein, clairement. Et vous pensez peut-être pouvoir reconnaître la forme de visage, enfin la forme de la tête, quelles caractéristiques de Patrick. Est-ce que je peux me permettre de fouiller dans sa, enfin si ce qui lui, s'il lui en reste une, bien sûr, de veste ou de pantalon, voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui soit vraiment quelque chose qu'on est sûr que c'est lui. C'est quoi. Pas possible. Eh bien, en fouillant, déjà pour commencer, tu te rends compte qu'il avait les mains attachées. Les mains attachées. Ouais. Mais non. Et dans sa poche, tu trouves. Bon, déjà, il y a son téléphone. Hein. Ouais. Et il y a aussi un portefeuille. Dans laquelle se trouve la photo de sa fille. Ça a l'air forcément de ressembler à Patrick. Ouais. Je vous déteste. Je regarde du coup dans la panique, je vais observer, voir sous de pire que ça, genre si c'est pas possible peut-être de trouver le cadavre de Frost, un truc comme ça, donc je vais continuer les recherches de toute façon. Bah, observation. Très bien, oui, continue. Ceux qui veulent continuer à chercher et qui sont pas en PLS. Ouais. Je suis en PLS, mais là je suis en putain, y'a pas de truc là, peut-être que Frost a survécu. Oh putain. Ouais, pour ceux qui fouillent encore, observation. À moi, cette fois-ci c'est à moi de briller. Ah, c'est à moi, bon. Alors, Observation. Oui, mais la dernière fois, j'ai fait observation. Mon personnage était... Ah, il se calme. Tu vois, quand il s'agit de trouver des gens qui meurent... il y arrive mieux. Très bien. Bon, ceux qui n'ont pas fait le G, je considère qu'ils n'ont pas... Non, mais là, Jess, elle est au fond du trou, tu vois. Un peu plus, là. Jess, tu peux mettre le corps en bas. En plus, Jess, elle avait un match avec Patrick. Et tout. Très bien. Donc, pour ceux qui cherchent... Le cours de mutilation de l'or, il a gagné. William et 22. Ah, je bug ou quoi? William et 22. Ouais. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Je ne vois même plus mon rond vert qui s'allume sur... Mais c'est pas grave. Mais moi, je t'entends. Donc, William et 22, vous fouillez encore dans les alentours avec Thompson aussi. Mais vous deux, vous trouvez un peu plus de morceaux de personnes. Des morceaux d'habits aussi, qui ne sont pas blancs. Putain. Vous trouvez aussi un corps d'un type qui a l'air inconnu au bataillon, auquel il manque les jambes ainsi que la moitié d'un bras, j'ai bugué. Non, c'est bon, t'entends. Voilà. Mm-hmm. A priori, complètement inconnu à votre... à vos connaissances. Ouais. Tandis que Thompson, toi, tu trouves plutôt rapidement, d'un coup d'œil agile entre trois rochers, mm-hmm. Ce qui semble être la manche blanche du costard de Frost. Et tu indiques ça, j'imagine, aux autres. Ah, bien sûr, je les appelle, je lui dis, venez par là, venez par là. Et vous déblayez. Et vous trouvez, en effet, le corps de Frost. Non, putain. Lui non, aussi, le... une balle dans la tête. D'accord. Mais pas attaché. D'accord. Putain. Il faut aller choper ce connard de chorizo, là. Ok. Putain, mais Et son téléphone, il est toujours, enfin, il est sur lui, il est cassé, il est. Non. Alors, tu vois que Frost a malheureusement une grande partie du corps qui a mal géré l'explosion. Ouais. Alors, il est impossible de savoir si il avait quelque chose dans ses poches, parce que d'accord. Ça ressemble juste à une espèce de bouillie. Putain, c'est con parce que. Si on avait pu récupérer son téléphone, on aurait pu avoir accès à des numéros peut-être ou des messages qui auraient pu nous orienter par la fin. Rapidement, ouais. Vous commencez à entendre le son des sirènes. Ouais, mais faut qu'on se casse. Non, faut compter le nombre de cadavres. Faut compter le nombre de cadavres. Je prends avec moi le portable et le portefeuille de oui, de Pat. Enfin, s'il y avait des trucs dans les poches pour connaître. Frost, il a un portefeuille avec lui que je peux récupérer. Ouais, Frost, il a plus de poche. Il a plus de poche, il a plus rien. A priori, il a plus de partie inférieure du corps. Okay, il a une veste. Peut-être dans sa veste, il y a quelque chose. Très bien. Donc bah vous enlevez ce qui permettrait Trix. Ah, j'ai bugué. Moi je récupère en tout cas le téléphone et le portefeuille de Patrick. Voilà. Est-ce qu'il y a le corps de Chipolatas aussi? Non, c'est alors, a priori vous l'avez pas trouvé, mais si vous voulez continuer à fouiller, vous allez devoir. Non, on n'a pas le temps. Ils arrivent. Si, allez rapidement, on s'y met tous un petit coup. Putain. Mais... Ouais, mais il est pas dans le secteur. Son téléphone, il est. Mais son téléphone, il est à chaise depuis au moins 2 heures. Les sirènes commencent à se rapprocher. Allez, on vous y fait. Je suis Polatas. Je peux faire un jet d'observation. Moi, j'ai fait 28 sur 52. Moi je vais dans la voiture. 78 sur 60. Bon, je m'en fous, c'est moi qui ai les clés. Ouais, j'ai fait un jet pour la soutenir. Ouais. Quoi? Attends, non, j'ai pas pensé. 50 sur 501, dis donc. Je suis très forte. Non mais putain. Très bien, très bien. Bon, alors, je vais demander. Alors, à quelqu'un. de se porter volontaire. Quoi ? Pour faire un jet de chance qui va affronter mon jet de chance. Est-ce que c'est par rapport à ce que je pense dans ce cas, j'y vais. Ouais, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on pense ? Je ne dirai rien. Mais oui, moi, mais si tu dis rien, Je laisse le plus chanceux s'exprimer car je n'ai... Je le fais parce que si jamais ça touche à ce que je pense, j'ai besoin que ce soit moi. Qu'il fasse. Mec, t'as intérêt à le réussir. Ouais, je vais te faire un 1/20, vous allez rien comprendre. Putain, et là, 20/20. Non, non. Oh oui. Alors, je sais pas combien... c'est au plus grand ou au plus petit, savoir si je pleure ou si je rigole. Mystère. C'est combien ? Ah non, mais attends, mais t'as pas le droit. Comment je peux faire, moi ? C'est le MJ. Il fait ce qu'il veut. C'est à celui qui est plus proche du 1. Ah. Alors, à part si t'as fait 1, je me sens bien, mec. Ah, d'accord, voyons voir. Il a fait 2. Ok, t'as fait combien ? 2. Il a raison. Et j'ai fait 5. La photo, si tu veux. Je peux prendre en photo. Très bien. Eh bien, Vous essayez de fouiller à toute vitesse le plus rapide. Sirène. Les flics, ça me va aussi. Hein. Avant que les sirènes soient trop proches. Eh bien, vous trouvez rapidement un autre corps qui a l'air plutôt féminin. Mais rapidement, les sirènes sont proches. Vous vous jetez dans la voiture et vous partez à toute vitesse.